Alors, dette publique et austérité. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle la dette publique ? La dette publique, elle se répartit en trois catégories. Il y a la dette des administrations centrales, donc l'État et la très grande majorité. Mais il y a aussi des organismes nationaux, toutes sortes d'organismes à l'échelle nationale, comme Pôle emploi, comme l'ADEME, comme la CADES, avec la dette de la Sécu. Donc tous ces organismes-là nationaux rentrent dans la dette des administrations centrales. Il y a aussi les administrations locales, les communes, les conseils généraux, les conseils régionaux. Dans les administrations locales, on détaillera ensuite dans la deuxième partie. Et puis les organismes de sécurité sociale. Donc voilà ce que recouvre la réalité de la dette publique. Alors effectivement, cette dette a gonflé au fil du temps pour atteindre un montant très important aujourd'hui. Donc j'ai pris quelques années comme ça symboliques depuis en gros la fin des années 70. Donc on avait une dette de 83 milliards d'euros en 79. Elle double en 4 ans, entre 79 et 83. Et puis ensuite, ça croît de manière exponentielle. C'est du 663 milliards en 95, 1200 et quelques en 2007, 1591 en 2010. Aujourd'hui, c'est en gros 1700 milliards d'euros. Donc voilà le montant. Alors, amusez-vous à l'écrire avec des zéros. Vous allez voir, c'est assez intéressant de faire l'exercice de compter le nombre de zéros qu'on a mis derrière. 1700 milliards d'euros. Gardez cet ordre de grandeur-là. Pour vous donner un autre ordre de grandeur, la Grèce, c'est 350, à peu près. Nous, c'est 1700. Et les dettes publiques des États-Unis, ça a passé le cap des 15 000 milliards de dollars le 15 novembre 2011. Donc en euros, ça fait à peu près 11 200 milliards d'euros. Donc 350 pour la Grèce, 1700 pour la France, 11 200 pour les États-Unis. D'accord ? Si vous gardez qu'un ordre de grandeur, je pense que celui-là est pas mal. On n'est pas les seuls à être touchés par une dette très importante. La plupart des grands pays du Nord, et donc aussi bien de l'Union européenne que des États-Unis ou du Japon, sont touchés par une dette très importante. En gros, quand on estime que la dette arrive à peu près à 100% du PIB, le pays est très proche d'une crise. Vous voyez que des pays au-dessus de 100%, ben, il y a la Grèce, il y a l'Italie. Le Japon est à 200% quasiment. Mais avec une dette différente, la dette du Japon est essentiellement détenue par des Japonais. C'est une dette très majoritairement détenue par des résidents du pays, alors que nous, elle est à plus de 60% par des résidents étrangers. Dans les 90 et quelques, il y a l'Irlande, il y a le Portugal, il y a les États-Unis. Et puis ben, nous, on s'en approche dangereusement, puisqu'on doit être aujourd'hui à 86 ou 87% du PIB. L'Espagne n'est qu'à 61%, mais elle est partie de très loin. Et elle est en train de galoper très très vite vers les 90%. Donc tous les pays du Nord sont touchés par cette problématique de la dette publique. Alors on nous parle de AAA, vous savez la fameuse note de Standard & Poor's que la France avait jusqu'en janvier 2012. Mais leur AAA à eux, c'est austérité, austérité, austérité. Le message qui est passé dans les médias, c'est les dépenses sont trop importantes, on a vécu au-dessus de nos moyens, donc il faut réduire les dépenses. C'est ce qu'on nous a dit avec les retraites. La retraite à 60 ans, mais vous ne vous rendez pas compte quand même. Mais la population vieillit de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes âgées, on ne peut pas partir à retraite à 60 ans, c'est un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Donc on dépense trop pour les retraites. Donc on va augmenter l'âge de la retraite. Quand dans un pays où il y a un chômage comme le nôtre, on n'augmente pas l'âge de la retraite pour laisser les gens entre 60 et 62 ans au travail. Vaut mieux payer un retraité qu'un chômeur, un jeune. Donc, si vraiment la finalité, c'était faire travailler plus le pays, c'est valable en période de plein emploi, ça, de faire repasser l'âge de la retraite de 60 à 62 ans. Donc, le message subliminal derrière est on dépense de trop. Donc, on va moins payer les gens. Donc, il nous faut de l'austérité. En fait, ce n'est pas du tout vrai. On va voir avec les chiffres d'après. Les dépenses publiques ne sont pas trop importantes. Ce sont au contraire les recettes qui ont nettement baissé et qui ne sont plus assez importantes pour compenser les dépenses. Mais la crise a été une formidable opportunité. Vous allez voir que le FMI trouve que la crise, c'est formidable. Il avait des revenus qui étaient en chute libre. Plus personne ne voulait emprunter auprès du FMI. Et maintenant, d'un seul coup, les candidats affluent de nouveau. Donc pour des organismes comme ça, la dette est une formidable opportunité. Il y avait encore des résistances. Vous connaissez le livre de Naomi Klein, « La stratégie du choc ». Où elle explique que des mesures parmi les plus antipopulaires qui soient ne peuvent pas être prises en temps normal sans soulever le peuple, sans que les gens soient dans la rue, sans que le goudron se soulève, comme on a dit tout à l'heure. Mais en période de stress très fort, donc ça peut être des attentats terroristes, ça peut être une épidémie, ça peut être une crise économique de grande ampleur, dans ces périodes de stress, on arrive à faire passer des mesures qu'on n'arrivera pas à faire passer en temps normal. Donc c'est un petit peu ça ce qui se passe. Il y a des mesures de recul des acquis sociaux qui voulaient être prises par les dirigeants, qui ne pouvaient pas être prises, et la crise est l'opportunité pour les faire passer. Et pour l'instant, ils y arrivent. Au départ, en fait, ça a été la stratégie du choc différée. Pendant 2 ans, entre 2008 et 2010, les amortisseurs sociaux, on les a laissés jouer leur rôle. Et d'ailleurs, je me souviens d'une déclaration de Fillon qui avait dit « Dans notre pays, la crise a moins frappé parce qu'on a des amortisseurs sociaux. » Et il s'est dépêché très vite de les foutre en l'air, ou de commencer à les foutre en l'air. C'est quand même assez gonflé de sa part. Donc non seulement l'austérité, elle est terrible pour les peuples, mais en plus, elle est complètement contre-productive, parce qu'en mettant de l'austérité, ça réduit la consommation des ménages, ça aggrave la crise, du coup, les recettes fiscales rentrent moins bien, et c'est un cercle vicieux, alors qu'on pouvait engendrer un cercle vertueux. Donc la rafale d'austérité en Europe, on détaille rapidement, mais nous, on a eu certaines... En fait, il y a tout un listing, comme ça, et puis les gouvernements choisissent. Tiens, là, on va faire celle-là. Puis dans 3 mois, on va faire une autre. Puis dans le 4e plan d'austérité, on en fera encore une autre. Voilà. Il pioche un petit peu, mais le mode d'emploi, il est prêt. C'est la réduction ou le gel des salaires des fonctionnaires. Alors des fois, ça va être, il y avait un 13e mois, on va l'enlever, des choses comme ça. Pareil pour les retraites. Licenciement ou non-renouvellement des fonctionnaires. Hein, donc 1 sur 2, 1 sur 3, 2 sur 3, comme ça vient. Réduction des prestations sociales, donc des allocations familiales, allocations chômage, allocations logement, les retraites. Démantèlement des services publics. Où on privatise, baisse du salaire minimum, en Grèce ils ont pris moins 22% il n'y a pas longtemps, recul progressif de l'âge de départ à la retraite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la hausse de la TVA, Michel Rocard, notre ami Michel Rocard avait dit la TVA est un impôt intelligent, d'accord, très intelligent, parce qu'en fait le pauvre paye la même TVA que le riche, quand il va acheter sa baguette de pain il paye la même TVA et il ne le voit pas. Il a invité la CSG aussi, Rocard, promis ça. Oui, non mais il a dit la TVA est un impôt intelligent. Donc si vous prenez quelqu'un qui est riche, qui peut placer, admettons, 90% de ses revenus à l'étranger dans un paradis fiscal, et qui utilise uniquement 10% de ses revenus pour consommer, avec une TVA, arrondissons-la, à 20%, il va payer l'équivalent d'un impôt de 2% sur ses revenus dans la TVA. Mais le ménage pauvre, qui doit consacrer la totalité de ses revenus à consommer, il va payer l'équivalent d'un impôt de 20% sur ses revenus. Donc non seulement ce n'est pas progressif, mais c'est même pas le même taux pour tout le monde, c'est moins par rapport aux revenus pour les ménages les plus riches. Donc des privatisations, hein, on dit tout ce qui est rentable, il faut privatiser, puis quand ce sera la crise, ben vous renationaliserez, le temps de renflouer avant de reprivatiser, hein, c'est toujours la socialisation des pertes et la privatisation des bénéfices. Les réformes du marché du travail, donc il faut pouvoir licencier facilement, sans que ça coûte cher. En Italie, en ce moment, Mario Monti est en train de faire un boulot formidable. Tout le monde donne en exemple Mario Monti, à tel point que, je suis désolé, je lis les échos, hein, j'ai plein de défauts, dont celui-là, je lis les échos. Mais enfin, quand vous finissez de lire les échos, après, vous savez pourquoi vous vous battez. Enfin, vous avez du peps pour toute la journée, il n'y a pas de problème. Et il y avait une chronique l'autre jour de Jean-Marc Vittori dans les échos qui faisait comme si on était dans 10 ans et que Mario Monti allait devenir le premier ministre français. Parce que vraiment, il avait réussi partout où il était passé, et que comme nous, on n'avait vraiment pas de candidat valable, on allait faire venir Mario Monti premier ministre. Donc vraiment, on est en train de louer ce type-là, alors qu'il est en train de casser complètement le code du travail en Italie. Donc voilà un petit peu les rafales d'austérité en Europe. On est en train de nous dire qu'il faut de l'austérité. Peut-être on peut discuter à la marge sur quel levier parmi ceux-là activer, mais il faut de l'austérité. On ne nous laisse pas poser le débat, faut-il de l'austérité ou autre chose. Ça, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Alors on se dit, ben c'est la crise des pauvres vraiment, mais les riches aussi, c'est la crise quoi. Ben non, en fait, vous voyez, donc c'est pas tout à fait pareil. Entre 2006 et 2011, la rémunération des grands patrons du CAC 40 a bondi de 34%. Donc entre avant la crise et après la crise, ben finalement, ils touchent plus maintenant, eux. Nous, non, parce que... Mais eux, oui. Et les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 31%. Si on prend juste l'année 2011, les dividendes vont atteindre 37,3 milliards d'euros, dont 5,38 pour Total et 3,71 pour France Télécom. Les entreprises où l'État est actionnaire se servent bien aussi, malgré tout, en dividendes. On pourrait dire l'État montre l'exemple. Non, non, EDF, tout ça, verse des dividendes relativement importants. Donc c'est pas la crise pour tout le monde. Retenez bien, la bonne grille de lecture, c'est entre ceux qui profitent de la crise et ceux qui subissent la crise. Entre ceux qui profitent de la dette et ceux qui subissent la dette. C'est pas, avant on parlait de rapport nord-sud, quand on parlait de la dette des pays du sud. Non, l'expression rapport nord-sud, il n'y a rien de plus faux que ça. C'est pas entre le nord et le sud. Dans chacun, entre nord et sud, il y a de nouveau un clivage, je vais dire un gros mot, je suis désolé, il y a un clivage de classe. D'accord ? Bon, alors les origines et les responsabilités. Donc, est-ce que les dépenses publiques sont trop élevées ? Ben, la moyenne des dépenses publiques dans les années 90-2000, c'est 52,8% du PIB. La moyenne entre 2000 et 2009, c'est 52,9% du PIB. Donc, on ne peut pas dire que les dépenses publiques sont grimpées en flèche et que c'est ça qui aurait créé la dette. D'accord ? Donc, les dépenses sont relativement stables depuis une vingtaine d'années. Donc la cause de la crise, ce n'est pas l'augmentation des dépenses. Alors elle est ailleurs. Il y a trois causes à la crise. La première, c'est la hausse des taux d'intérêt à la fin des années 70. On va y revenir rapidement. La deuxième, c'est la contre-réforme fiscale des années 80 et 90, qui mélange des gouvernements de droite et des gouvernements de gauche, avec des degrés un petit peu différents, mais la logique était la même. Avec des riches doublement gagnants, parce qu'en fait, on leur disait, on va baisser vos impôts, mais comme on baisse vos impôts, nous, l'État, on est en déficit, donc on va émettre des obligations, enfin, on va faire de la dette, quoi. On va émettre des obligations, mais le riche, du coup, qui avait plus de revenus qu'il restait, eh bien, il achetait des obligations, et donc, du coup, on lui remboursait ses obligations au lieu de le garder en impôts, et on lui donnait un intérêt encore en plus. C'était pas mal, quand même. C'est le double effet qui se coule. Hein. Et nous, c'était l'austérité, quand même, ou la rigueur, ou le... Voilà. Et puis la crise de 2007-2008, la crise dont on n'est pas à l'origine, nous. Hein. Enfin, moi, je n'avais pas de subprimes. Je pense que dans la salle, il n'y en a pas beaucoup qui avaient des subprimes aux États-Unis. Donc la hausse des taux d'intérêt n'est pas causée par nous. C'est une décision prise par la Réserve fédérale des États-Unis au départ et par son dirigeant Paul Volcker. La contre-réforme fiscale, on l'a subie. Et la crise, on l'a subie aussi. Donc c'est ça les trois causes qu'on va passer en détail maintenant. Alors, la hausse des taux d'intérêt, j'y reviens rapidement. En fait, pendant toutes les années 60-70, les taux étaient très bas. Pourquoi les taux étaient très bas ? Parce que les banques européennes et nord-américaines regorgeaient de liquidités. C'est ce qu'on appelait d'abord les euro-dollars et ensuite les pétro-dollars. Donc les euro-dollars, ce sont des dollars, mais qui sont donc monnaie américaine, mais situés sur le continent européen. Au départ, ça venait du plan Marshall. Lors du plan Marshall, les États-Unis ont envoyé des dollars pour reconstruire l'Europe. Mais à l'époque, le dollar était librement convertible en or. Et donc celui qui avait des dollars pouvait les changer contre de l'or, à un taux qui était fixe, c'était 35 dollars l'once d'or. L'once, c'est une unité de poids, quelques grammes d'or. Mais les États-Unis ont tellement imprimé de dollars et les ont tellement diffusés dans le monde qu'à un moment, ils se sont dit, mais si tous ceux qui ont des dollars nous demandent de l'or en échange, on ne va pas y arriver. Donc ils ont dit, mais ces dollars, laissez-les, gardez-les en Europe. Donc on les a appelés des euro-dollars, ils étaient stationnés en Europe. Et puis ensuite, choc pétrolier. Les émirs du Golfe, grosso modo pour schématiser, parce qu'il y a d'autres pays pétroliers, mais c'est essentiellement ceux-là, ont accumulé des réserves en dollars très importantes. Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Ils ne les ont pas placés au Congo. Hein. Ils les ont placés dans les banques européennes, dans les banques nord-américaines, qui ont de nouveau vu arriver les dollars. Ceux-là, c'était les pétrodollars. Et une banque, elle n'a pas intérêt à garder de l'argent dans ses coffres. Donc elle l'a prêté, cet argent, pour que ça lui rapporte. À qui elle l'a prêté ? Ben, pendant ces 20 ans-là, entre 60 et 80, grosso modo, ceux qui étaient demandeurs de capitaux, c'était les pays d'Amérique latine qui étaient en train de s'industrialiser très vite, et les pays d'Afrique et d'Asie qui venaient d'accéder à l'indépendance. Donc on a endetté les pays du Sud, et pour les attirer à s'endetter, on les a mis des taux d'intérêt très bas. Mais ces taux-là, on les a indexés sur les taux américains. Ils étaient très bas, donc les pays s'endettaient de manière très basse. C'était intéressant pour eux. Et puis quand il y a eu la crise en 73-75, et que les économies au nord ont commencé à ralentir et que les marchandises se trouvaient plus preneurs au nord, on a dit, mais ce qu'il faut, c'est qu'on attire l'argent dans les économies du nord pour faire tourner les économies. Et comment on attire l'argent ? On attire l'argent en le payant cher. Donc en disant, ben moi j'augmente les taux d'intérêt. Donc celui qui a des sous, qui a beaucoup d'argent, qui a des capitaux importants, qui est motivé que par le profit, il y en a, bien sûr, il y en a plein. Au lieu de placer cet argent-là aux pays du sud, qui étaient les seuls demandeurs jusque-là, si d'un seul coup les États-Unis disent... Nous, ce n'est pas 6% qu'on vous propose, c'est 18%. Ben, celui qui a des capitaux, il va les prêter aux États-Unis. Donc l'argent va arriver dans l'économie américaine qui va permettre de faire tourner la machine. Mais du coup, il faut augmenter les taux d'intérêt. Et puis après, c'est la concurrence entre les pays du Nord. Thatcher, qui était au pouvoir depuis quelques mois en Grande-Bretagne, elle augmente les taux d'intérêt. Et puis Mitterrand et tous les autres ont augmenté les taux d'intérêt. Donc la hausse des taux d'intérêt a provoqué une hausse des remboursements pour les pays du Nord également. C'était dramatique pour les pays du Sud, Les pays du Nord ont pu absorber cette secousse-là, mais c'est ça qui a commencé à augmenter le niveau d'endettement. Pour la France, il y a un autre petit truc que je tiens en passant, c'est les nationalisations décidées par le gouvernement de Pierre Mauroy. Elles ont été relativement coûteuses pour l'État parce qu'ils ont dû indemniser les créanciers. Au départ, ils avaient une expropriation. On paye le prix de l'action et puis c'est tout. Mais le Conseil constitutionnel a dit que c'était anticonstitutionnel et qu'il fallait une indemnisation de ceux à qui on prenait les actions. Donc en fait, on a pris le cours de l'action moyen sur les 6 derniers mois, on a ajouté le dividende versé pendant ces 6 derniers mois, et on a augmenté le tout de 14%. Et on a acheté les actions à ce prix-là. Et ça a coûté à peu près, sur 15 ans, parce que l'État a emprunté pour acheter, après il a fallu qu'il rembourse, sur une quinzaine d'années, ça a coûté 13 milliards d'euros, convertis en 85 milliards de francs, mais 13 milliards d'euros équivalents d'aujourd'hui. Donc on a nationalisé 5 grandes entreprises, donc il y avait Thomson Brandt, il y avait Pechiney, Saint-Gobain, etc. Et tout le secteur bancaire. 39 entreprises bancaires ont été nationalisées, donc tout le secteur bancaire. Comme quoi c'est possible. Donc ça c'était la première cause, la hausse des taux d'intérêt. Deuxième cause, la baisse des recettes. Je me suis intéressé aux chiffres des prélèvements obligatoires en France. Donc je prends les administrations centrales. Alors juste, il y a des détails techniques. L'INSEE faisait jusqu'en 2000 des statistiques, ce qu'on appelle sur la base 2000, où la dette de la CADES, vous savez, la caisse d'amortissement de la dette sociale, qui comporte une part de la dette de la sécurité sociale, était intégrée à l'État. Et ensuite, il y a eu la base 2005 de l'INSEE, où on a sorti la CADES de l'État pour la remettre avec les organismes de sécurité sociale. Donc pour les années 80, c'est plus simple d'avoir les chiffres avec la base 2000. Donc j'ai pris la base 2000. Donc ça, c'est administration centrale, donc très majoritairement l'État et la CADES. D'accord ? En 1980, les prélèvements obligatoires pour les administrations centrales, c'était 18,8% du PIB. En 2008, c'était que 14,6%. Donc sur la même base de comparaison, même si la base de l'INSEE a changé entre-temps. Ça veut dire que l'État a perdu 4 points de PIB par an, en gros entre 80 et 2000. Ben, c'est pas anodin d'un point de vue économique, ça. Donc là, c'est une vraie baisse des recettes. La part de la dette des administrations centrales dans la dette publique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les administrations locales et la sécurité sociale, qui sont les deux autres composantes de la dette publique, elles ont des recettes qui ont augmenté et des dépenses qui ont augmenté, mais à peu près à la même vitesse. Donc leur dette, elle a toujours été à peu près sous contrôle. Donc le choc de la dette, c'est vraiment l'État qui l'a pris. Qui l'a pris parce qu'il a baissé les prélèvements obligatoires. D'accord ? Donc la part de la dette de l'État dans la dette publique de la France a considérablement augmenté, puisque les autres avaient une dette qui était à peu près sous contrôle, et celle de l'État augmentait de manière très importante. Donc c'était 61% de toute la dette publique due par l'État en 1980, c'est 86% en 2008. Donc le problème de la dette de la France n'est pas à rechercher du côté des collectivités locales. Il y a d'autres choses à rechercher du côté des collectivités locales. Elle n'est pas à chercher du côté de la Sécu, malgré ce qu'on veut nous faire croire. Elle est à chercher du côté de l'État, l'État national. Maintenant, le rôle de la crise. La crise a effectivement aggravé les problèmes d'endettement. Le numéro un incontestable dans les responsables, c'est les banques. Donc c'est eux qu'on prend de face. Mais il y a aussi d'autres responsables. Il y a toutes les institutions européennes qui sont complètement inadaptées. On va en détailler après. Vous voyez, on a une crise, on dit « Ah, il faut faire un nouveau traité ». Mais alors, le sujet d'avant, il t'a fait comment ? Il est là pour gérer quand ça va bien. Mais ce n'est pas un traité, ça. Quand ça va bien, ça va être toujours bien, quel que soit le traité. C'est quand ça ne va pas qu'il faut gérer. Et on fait un traité, en plus, qu'il y a deux pays qui disent « Ben non, nous, on ne va pas le signer ». La République tchèque et la Grande-Bretagne ne signent pas. Et l'Irlande, il y a un référendum le 31 mai. Et alors, on a déjà dit deux fois non. Donc tous les espoirs sont permis. C'est les seuls qui vont voter. Nous, on essaye de faire une campagne pour aller sur un référendum. Mais pour l'instant, il n'y a que l'Irlande qui va voter. Parce que c'est constitutionnel. Dans leur constitution, ils doivent voter pour ça. Dans tous les pays où ce n'est pas obligatoire de faire un référendum, on a dit non, mais vous voyez, c'est vachement technique. Le peuple, il ne peut pas comprendre tout ça. Nous, on est des experts. La complicité des dirigeants européens. On va en parler, en dire quelques mots. Le FMI, donc c'est vraiment typiquement le pompier pyromane, quoi. Il applique des recettes qui ne marchent pas, et après il dit, ben, on vient vous aider. C'est facile dans ces conditions-là. Et puis la BCE, Alors c'est important parce qu'on nous dit toujours la BCE, elle est indépendante. En fait, ce n'est pas le bon mot. Ça veut dire elle est hors du contrôle des peuples. C'est ça que ça veut dire, indépendante. Elle est, si vous voulez la changer, non, ce ne sera pas possible. Mais quand il y a des grandes banques qui disent « c'est le bordel, il faut que vous achetiez les obligations grecques », elle dit « ah bah d'accord ». Donc elle n'est pas du tout indépendante des banques. Elle est indépendante des peuples. C'est quand même gros comme argument. Alors la crise. On revient un petit peu sur l'histoire de la crise. Donc en 2000, c'est l'éclatement de la bulle Internet. Donc cette bulle qui avait gonflé. Le summum pour le CAC 40, pas le collectif des Landes, hein, l'autre, celui de la bourse, c'est mars 2000. Le summum, c'est 6000 points en mars 2000. Après, ça commence à dégringoler. Et donc, tous les capitaux qui s'étaient mis dans cette bulle Internet, ils cherchent d'autres endroits pour faire des profits. Qu'est-ce qu'ils trouvent comme endroit? Il y a essentiellement deux secteurs. Les matières premières. En 25 ans, le cours des matières premières a complètement dégringolé. Et ça a participé à la crise dans les pays du Sud. Parce qu'eux, ils exportaient et comptaient sur leurs exportations de matières premières pour rembourser la dette. Donc quand ils ne remboursaient pas, c'était un problème justement de cours des matières premières. On estime, en dollars constants, que le cours des matières premières, hors pétrole, parce que le pétrole, c'est une matière première particulière, est très stratégique au niveau international. Le coût des matières premières a baissé de 2,8% par an. En moyenne, entre 1977 et 2001, donc sur 25 ans. C'est très important, 2,8% par an. Et donc, il y en a qui se disent, le cours est maintenant tellement bas qu'il y a du profit à faire là-dessus. Donc, il y a une partie des capitaux qui vont se mettre sur les cours des matières premières. Et c'est pour ça qu'il y a une hausse des cours à partir de 2004-2005, avec des crises alimentaires. Le prix du riz augmente de 30% en une journée sur les marchés internationaux. Le pétrole qui atteint 150 dollars le baril en juillet 2010, etc. Donc il y a vraiment un rebond, mais qui est lié essentiellement à la spéculation. Il y a d'autres facteurs. On parle des agrocarburants. Oui, on utilise une partie des richesses agricoles pour faire des carburants, et donc ça ne va plus à l'alimentation. Ça crée une crise alimentaire, d'accord. Mais c'est essentiellement la spéculation internationale. Et le deuxième secteur, c'est l'immobilier. On dit la pierre, bien que ça se voit. Oui, mais les gens, ils sont déjà très endettés. Eh bien, c'est pas grave, on va prêter à des gens surendettés. C'est comme ça, les subprimes, c'est ça. Donc, les gens qui étaient surendettés, on leur a dit, écoutez, pendant 2-3 ans, on va vous faire un taux très bas. Et puis ensuite, comme l'immobilier est en train de galoper, ce que vous avez acheté aura pris une telle valeur que vous pourrez rembourser. Et en fait, ça s'est cassé la gueule, puisque, comme toutes les bulles, il y a un moment, il y a une petite aiguille qui arrive, paf, ça éclate. D'accord. Donc ces gens-là ont dit, ben, on ne peut plus payer. Donc il y a plusieurs millions de personnes qui ont perdu leur logement aux États-Unis et des banques qui se sont retrouvées propriétaires de millions de logements dont elles n'avaient absolument rien à faire. Donc ça, c'est la crise de subprimes. Et on vient aider les banques, au départ nord-américaines et ensuite européennes, qui ont mis le doigt dans le pot de confiture, parce que c'est exactement ça. Ils se sont dit, là, il y a des profits à faire, on y va. Peut-être qu'on ne sortira pas à vainqueur, mais ce n'est pas grave, too big to fail. Quoi. On est trop gros pour qu'on nous laisse s'effondrer. Alors la plupart du temps, oui, sauf que les Lehman Brothers, on l'a laissé s'effondrer. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est venu aider les banques. On a toujours refusé aux pays du Sud d'aider leur système bancaire. On n'a pas pris le contrôle des banques. On l'a très bien vu dans la pièce. On a dit, on vous prête, mais bah, restez en place. Écoutez, non, nous, faites votre travail. Vous avez bien fait jusque-là, puisque c'est la crise. Hein. Vous avez vraiment montré l'exemple. Donc, on va vous laisser en place. On ne va pas prendre le contrôle. Et puis, on ne va rien changer des règles du jeu. Hein, alors qu'on aurait pu dire, vous êtes à genoux devant nous. Allez, tu dégages. Tu me donnes ton boulot, la banque maintenant, on va la gérer dans l'intérêt des populations et pas dans l'intérêt des spéculateurs. Et donc l'argent qui a été apporté aux banques pour les renflouer, qu'est-ce qu'elles en ont fait les banques? Eh bien, elles se sont dit, on va essayer de le placer pour que ça nous rapporte. Et où est-ce qu'elles l'ont placé? Eh bien, elles ont dit, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, ça c'est des pays où normalement il y a un potentiel de croissance important. Donc tous les pays qu'on appelle périphériques de l'Union européenne. Donc ils ont été prêtés là-bas, mais à des taux 0, quelque chose pour cent de taux d'intérêt à la Grèce. Donc la Grèce, elle disait, bah, moi je veux bien emprunter 5 milliards, on lui en prêtait 10. Donc les gens proposaient d'en prêter pour 10. Enfin, ils disaient, bon, bah, d'accord, on en prend 10. Et ça galopait comme ça, un petit peu de pot de vin par-ci, par-là. Siemens est en procès en Allemagne et en Grèce parce qu'il y a eu de la corruption. Les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, c'est un voilà, budget prévisionnel 1,4 milliard d'euros, budget final 10 fois plus. Bah, l'argent est passé quelque part, hein. Et ils remboursent. Donc ça, c'est la fameuse politique du choc différé, je vous disais tout à l'heure. Le FMI remet le pied en Europe. Le FMI avait quitté l'Europe. En fait, il avait fait un plan avec l'Angleterre en 1976. Et depuis 1976, il y a juste le Portugal en 1983 qui avait demandé l'aide du FMI. Mais entre 1983 et 2010, le FMI n'avait plus prêté d'argent à un pays européen. Et l'Islande, le premier, accepte l'aide du FMI. Puis ensuite, c'est la Grèce. Maintenant, le FMI a un bureau permanent en Grèce, puisque tous les jours, ils font les gros yeux s'ils font, ils se passent pas ce qu'ils font. Un point important à signaler, c'est que l'Union européenne a été plus touchée que les États-Unis, alors que l'épicentre de la crise était aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a un problème structurel, c'est pas juste. Normalement, les dégâts maximum sont là où il y a l'épicentre du séisme. Alors que là, l'Union européenne était tellement fragilisée parce qu'elle est mal faite, que c'est là que les principales conséquences ont eu lieu. Donc il y a une douzaine de banques qui ont été sauvées en Europe. IKB, bon, vous avez la liste sur l'écran. Pour nous, en France, pour l'instant, il n'y a que Dexia. Mais on va le payer cher. C'est une bombe à retardement. Aux États-Unis, le Trésor peut se faire prêter de l'argent par la Banque centrale, par la Réserve fédérale. C'est pareil en Angleterre, c'est pareil en Suisse. C'est pas pareil en Europe. Donc c'est la fameuse BCE dont on parlait tout à l'heure. Et puis aux États-Unis, la dette, elle est essentiellement fédérale. La dette des États, des 51 États, elle est faible. C'est une dette de l'État des États-Unis. Alors que nous, en Europe, il y a un budget microscopique pour l'Union européenne, et c'est essentiellement des dettes nationales qui sont accumulées. Alors ça, c'est une citation. Alors je la recopie, je la lis, parce que je trouve ça intéressant. C'est un document de travail de la Commission européenne, donc c'est pas nous qui l'avons écrit. Selon les estimations du FMI, les pertes encourues par les banques européennes entre 2007 et 2010, en raison de la crise, se montent à près de 1 000 milliards d'euros, soit 8% du PIB de l'Union européenne. L'Union européenne et ses États membres ont adopté un éventail de mesures sans précédent afin de rétablir la stabilité du secteur bancaire et de veiller à ce que les flux de crédit destinés à l'économie réelle se maintiennent, mais c'est le contribuable qui a, en fin de compte, payé la facture. Donc les 1 000 milliards d'euros, c'est pour notre pomme. Hein. Dans ce contexte, la Commission européenne avait approuvé en octobre 2010 4 600 milliards d'euros de mesures d'aide d'État en faveur d'établissements financiers, dont plus de 2 000 milliards ont été effectivement utilisés en 2008 et 2009. Donc on leur a apporté 2 000 milliards d'euros. Alors l'Union européenne, il est adapté. Donc vous connaissez peut-être cet article 123 du traité de Lisbonne, on en parle assez souvent maintenant. Il est interdit à la BCE et aux banques centrales des États membres d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales, aux autres autorités publiques. Donc la BCE ne peut pas financer. Aujourd'hui, la BCE détient plus de 200 milliards d'euros d'obligations grecques, portugaises, espagnoles et italiennes. 200 milliards d'euros. Mais elle ne les a pas achetés au gouvernement. Elle les a achetés à des banques qui avaient peur de ne pas se faire rembourser. Et donc c'est aux banques qu'elle est venue sauver la mise en achetant ces obligations. Ce n'est pas au peuple de ces pays-là. Elle n'a pas acheté, d'après cet article-là, elle n'a pas acheté. Mais malgré tout, imaginez une banque publique française. Ça doit exister, ça, quand même. Ça doit pouvoir se faire assez rapidement. Une banque publique française pourrait emprunter à la BCE à 1% et prêter à la France à 1%. Or, c'est pas ça qu'elles font. Elles empruntent à 1%. Enfin, j'ai mis entre 1 et 1,5 parce que le taux, il a un peu varié. C'est monté à 1,5, puis 1,25, puis 1. Mais elles prêtent à la Grèce, aux autres pays, à 2, 3, 4, 5, 6%. Mais pas à 1%. Pourquoi une banque publique française ne ferait pas ça? C'est l'État qui est aux commandes. Parce qu'elle fonctionne comme une banque privée. C'est Giscard qui avait fait le... Il est du coin, Giscard. C'est votre pote. Là. Je savais que j'aurais du succès en disant ça. Il n'y a pas qu'une crise financière pour l'Union européenne. Il y a aussi une crise politique. En fait, Sarkozy, il a l'air d'être toujours d'accord avec Merkel, mais ils ne sont pas d'accord. Ils se mettent d'accord à minima quand ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que pendant l'été dernier, pour la Grèce, ils n'étaient pas du tout d'accord. Pour la Grèce, il y a une décote de 21% sur la dette qui a été adoptée en juillet 2011. Merkel voulait plus. La BCE voulait 21% et pas plus parce qu'elle avait des obligations, elle, de la Grèce, donc elle était concernée. Et Sarkozy était d'accord avec la BCE. Et en juillet, ils ont fait que 21%. Et puis en octobre, ils ont dû faire 50%, parce que l'Allemagne voulait faire dès le mois de juillet. Mais on a perdu du temps, et du coup, maintenant, on est à 70%. Mais 70%, il y a l'austérité derrière, proportionnellement. Hein. Donc à chaque fois, ça s'aggrave pour eux. Donc les traités sont remis en cause, j'ai dit tout à l'heure. Le refus de deux pays de signer de nouveaux traités, j'ai dit tout à l'heure. L'Europe, c'est un nain politique. Vous connaissez le nom du président du Conseil européen ? Herman Van Rompuy. Mais... Bravo, monsieur. Vous avez déjà entendu parler Herman Van Rompuy ? Mais c'est un mec qui parle, on s'endort, quoi. Il est catastrophique, ce gars-là. C'est censé, on avait dit, il faut un poste de président de l'Europe, en gros, enfin voilà. C'est le président du Conseil des présidents et des chefs de gouvernement. Quand même, enfin, c'est Herman Van Rompuy, quoi. Si Sarkozy perd, il sera candidat certainement à la succession d'Herman Van Rompuy. Là, on le connaîtra plus. Goldman Sachs au pouvoir. Ah oui, Goldman Sachs a quand même un lien particulier avec la solution de la crise. Donc, la BCE a envoyé en Grèce, gentiment, Loukas Papademos. Donc, il était vice-président de la BCE. Et ils l'ont offert comme premier ministre de la Grèce. Il n'y avait pas eu d'élection, hein, il n'y avait rien eu. Enfin, il y a, si, au contraire, enfin, il y a juste Papandréou qui avait dit « on va faire un vote, hein, on va faire un référendum ». Ils ont dit « mon petit gars, tu vas venir à Cannes, tu vas arrêter tes conneries, il n'y aura pas de vote et tu démissionnes hein, ». C'est comme ça que ça s'est fait. On a pris le premier suivant qui a dit « non, on ne fera pas de vote, quoi. Tout va bien ». Le gars qui gère l'organisme grec, qui gère la dette publique grecque, enfin, ma phrase n'est pas claire, le directeur de l'organisme qui gère la dette publique grecque, il s'appelle Petros Christodoulos, donc lui il est vraiment grec, et il vient de Goldman Sachs. Mario Draghi, qui est le président de la BCE qui a remplacé Jean-Claude Trichet, vient de Goldman Sachs. Mario Monti, le premier ministre italien, donc on a offert à l'Italie, en échange de Silvio Berlusconi, alors on ne va pas pleurer, c'est quand même dommage que ce n'est pas des luttes populaires qui ont mis à bas Silvio Berlusconi, et que c'est les créanciers qui ont fait comme ça pour le dégager. Mario Monti, lui, il avait les deux casquettes, Goldman Sachs et Commission européenne, puisqu'il était commissaire européen à la concurrence. Peter Sutherland, qui est celui qui a géré le plan d'aide, alors on appelle toujours le plan d'aide à l'Irlande, mais en fait c'est le plan de sauvetage des banques irlandaises, c'est lui qui était le premier directeur de l'OMC, il avait été le dernier directeur du GATT, qui a été remplacé par l'OMC, donc il était le premier directeur, et il est le représentant de Goldman Sachs aussi. Et puis, il n'y a pas que Goldman Sachs, Lehman Brothers a offert, enfin, après s'être effondré, elle a offert à l'Espagne son ministre des Finances actuel, donc Luis de Guindos était le représentant de Lehman Brothers pour l'Espagne et le Portugal. Donc, c'est pas compliqué de gérer un État comme une banque, puisqu'ils mettent à la tête des États des banquiers. Après, on s'étonne qu'on gère pour les créanciers et pas pour les peuples. Ben, forcément. Mais tout est fait pour. Comment ça s'appelle, ce qui a supplé la trilatérale, où tous ces gens-là se réunissent pour décider de... Oh, il y a plein de choses. Il y a Bilderberg, là, le... Mais bon, c'est secret. On ne sait pas, nous. On ne peut pas y aller. Les prêts du FMI. Les prêts du FMI, vous voyez, en 2003, ils avaient 96 milliards d'encours de prêts. C'est essentiellement des pays du Sud. La Turquie, bon, c'est pas trop au Sud, mais... vous voyez, le Mali, il ne peut pas emprunter 96 milliards de dollars. Hein. Donc, c'était essentiellement la Turquie qui était le principal créancier. De toute façon, ce n'est pas compliqué à voir. Les pays remboursaient de manière anticipée le FMI. Ils disaient, écoute, on te file tout ce qu'on te doit, et s'il te plaît, tu dégages. Le Brésil, l'Argentine, les Philippines, l'Uruguay, l'Indonésie, ils ont tous dit au FMI, maintenant, ça suffit. Alors, ils auraient pu dire, tu dégages tout seul, mais ils ont dit, on va te payer, puis tu dégages. Donc, ils ont été quand même un peu trop sympas, à notre avis, mais c'est une façon de voir les choses. Et l'encours des prêts a fondu jusqu'en 2007, 9 milliards. Quand notre ami DSK arrive, pas au Sofitel, mais au FMI, il doit licencier des gens parce que le FMI perd de l'argent. C'est la première fois que le FMI perd de... Bon, il s'est augmenté quand même, lui, parce que quand même, tout seigneur, tout honneur, mais ils ont licencié du personnel. Et à partir de 2008, pour eux, ils se disent, mais voilà. Maintenant, les principaux créanciers du FMI, c'est l'Ukraine, la Roumanie et la Grèce. Voilà. Donc ce sont des pays européens, pas tous de l'Union européenne, ce sont des pays européens. Donc le FMI fait des affaires maintenant sans aucun problème. Madame Lagarde est très contente. Donc dette odieuse, dette illégitime. Qu'est-ce que ces bestioles-là ? Alors la dette odieuse, elle a été théorisée par un juriste russe, Alexander Naum Sachs, un ancien ministre du Tsar, qui est venu à Paris faire des études de droit, enfin enseigner le droit quand ça a mal tourné pour le Tsar là-bas. Et il a une notion qui est très intéressante, cette notion de dette odieuse. Il a dit, si un pouvoir despotique contracte une dette, non pas pour les besoins et dans les intérêts de l'État, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qu'il combat, etc., cette dette est odieuse pour l'État entier. Cette dette n'est pas obligatoire pour la nation, C'est une dette de régime, une dette personnelle du pouvoir qui l'a contractée. Par conséquent, elle tombe avec la chute de ce pouvoir. Autrement dit, vous voulez que le Congo vous rembourse la dette de Mobutu ? Vous allez voir les héritiers de Mobutu, vous allez voir les généraux qui étaient au pouvoir à ce moment-là, et vous leur demandez à eux de payer. Mais vous ne demandez pas à l'État de payer. Voilà ce qu'est une dette odieuse. Ce n'est pas juste un concept d'un gars qui délirait dans son coin. Ça a été appliqué. Ça a été appliqué il y a longtemps. Parce que dans la crise de la dette qui a commencé en 1982 avec les pays du Sud et aujourd'hui les pays du Nord, le FMI a parfaitement verrouillé le mécanisme et n'a pas laissé faire que cette notion de dette odieuse sorte. Mais dans les années 1898, Cuba, on a déclaré que sa dette était odieuse. Je donne juste les endroits, il y en a d'autres. Hein. Mais Cuba était une colonie espagnole. Il y a eu une guerre entre l'Espagne et les États-Unis. Les États-Unis ont gagné la guerre. Cuba est devenu un protectorat américain parce qu'il n'y a pas de colonie aux États-Unis. Parce que eux, le mot colonie, c'était eux qui étaient des colonies anglaises. Donc voilà, c'est devenu un protectorat américain. Et l'Espagne, qui a perdu la guerre, elle ne peut pas faire le fanfaron. Quoi. Elle a dit, bon, bah, d'accord, on a perdu. Mais comme Cuba a une dette envers nous, bah, maintenant que c'est vous qui possédez Cuba, vous allez nous la payer, la dette. Les États-Unis ont dit, non, mais ça va pas. C'est vous qui avez endetté Cuba pour la coloniser. Et donc, il y a un tribunal qui s'est réuni à Paris en 1898 et qui a dit, effectivement, cette dette, elle est odieuse et Cuba n'a pas à rembourser. Donc, c'est une doctrine juridique très précise. D'accord. George Bush, on a tout un panel aujourd'hui, hein, George Bush a parlé de dette odieuse pour l'Irak. Parce que quand il est arrivé à bord du porte-avions là, et qu'il a fait le zozo, et on lui a dit, mais maintenant c'est toi qui rembourses la dette de Saddam Hussein. Il a dit, non mais ça va pas, je pars. Et il a commencé à parler de dette odieuse un jour. Le lendemain, il y avait un éditorial du Financial Times qui disait, non, on ne sort pas cet argument-là, parce que si on dit que la dette de l'Irak elle est odieuse, celle de l'Indonésie de Suharto elle l'est, celle du Chili de Pinochet elle l'est, celle du Congo de Mobutu elle l'est aussi. Donc on ne va pas faire ça. Donc ils sont allés en Club de Paris. Club de Paris, vous savez, c'est le club des pays créanciers, là. Ils disent, voilà, l'Irak, quand même, soyez gentils, c'est nous, maintenant. D'accord, 80% d'annulation, hop, 80% de la dette de l'Irak. C'est comme ça que ça s'est passé, de manière complètement informelle, au sein du Club de Paris. Mais aujourd'hui, cette notion-là, on a du mal à la faire ressortir. Alors, elle est un petit peu trop restrictive. Elle est un peu trop restrictive parce que c'est vraiment une dette de dictature. Est-ce qu'on est en dictature ? Oui. Est-ce qu'on est en démocratie ? Non. Non, on est une démocratie qui est très, très, très malade. Mais on n'est quand même pas dans une dictature au sens du Chili de Pinochet. Hein, parce que les Chiliens, ils ont duré autre chose que ça, quand même. C'était quelle fois, cette 1927. Il a écrit ça en 19... En fait, la doctrine a été postérieure à l'exemple de Cuba. On a tiré l'enseignement de la décision de Cuba pour théoriser. Donc il y a des exemples de dette odieuse, malgré tout, en Europe, au sens de SAC. La dette des dictateurs, des colonels en Grèce, la dette de Salazar, le dictateur portugais, Franco, dictateur espagnol. Mais bon, nous, en France, on n'est pas concernés quand même par cette doctrine de dette odieuse. Et récemment... Pardon ? Et récemment, cette notion de dette odieuse a été élargie en disant le cadre de ça qu'il est trop restreint. On définit une dette odieuse par trois critères qui doivent être simultanément remplis. Il faut qu'il y ait eu absence de consentement. C'est-à-dire le peuple n'a pas donné son accord pour contracter cette dette. Il faut qu'il y ait l'absence de bénéfice. Le peuple n'a pas bénéficié des fonds de l'endettement. Et que les créanciers aient prêté en connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant que cet argent n'allait pas profiter au peuple et que le peuple n'avait pas donné son accord. Voilà les trois critères. Absence de consentement, absence de bénéfice et en connaissance de cause pour les créanciers. Alors je prends les trois un par un. Absence de consentement. En Grèce, le premier programme d'austérité, donc au printemps 2010, il a été adopté et signé avec le FMI sans ratification parlementaire, alors que dans la constitution grecque, il est écrit que ça doit passer devant le Parlement. Donc ce programme d'austérité, il est anticonstitutionnel. Donc il n'y a pas eu consentement de la part de ceux qui ont été élus par le peuple. Et puis on a parlé tard du référendum Papandréou. Vous savez que le premier sondage qui avait été fait quand il a dit « je vais faire un référendum », il y avait 11% de oui. Ils allaient au massacre, quoi. Hein? Donc il n'y a pas consentement quand il y a 11% de oui, quoi. Hein? Pas déconner. En Irlande, il y avait un premier ministre qui s'appelait Brian Cowen qui a dit, ben voilà, c'est la crise, en novembre 2010, on va faire un programme d'ajustement structurel, un programme d'austérité, tout ça c'est pareil. Il signe avec le FMI, en février 2011, il y a des élections législatives, son concurrent qui s'appelle Enda Kenny fait campagne contre le programme d'austérité, Il est élu et il l'applique. Il est où le consentement du peuple? Enfin, nous, on a fait pareil. Hein. Jospin, il avait dit qu'il renégocierait en 97, puis il a... Voilà, bon. Donc, il ne faut pas qu'on se foute de la gueule des Irlandais, non plus. Mais où est le consentement populaire dans ces conditions-là? Au Portugal, alors là, c'est encore pire. Ce que vous n'avez pas vu aujourd'hui, vous le verrez demain, ma grand-mère disait, mais... au Portugal, ils appliquent un quatrième programme d'austérité. À chaque fois qu'ils appliquaient un programme supplémentaire, la majorité parlementaire, elle s'effritait. Il y avait quelques députés qui craignaient de ne pas être réélus. Ils disaient, bon, ben maintenant, nous, on va voter contre. Hein, ça commence à faire trop. Ce quatrième plan d'austérité, il est rejeté par l'Assemblée. Donc la majorité tombe. José Socrates, le Premier ministre socialiste, démissionne. Il est mis en minorité, il démissionne. Mais il reste au pouvoir parce qu'il ne faut pas qu'il y ait vacances du pouvoir. Donc il y a des élections qui sont prévues 3 mois plus tard. Ça, c'est en mars 2011. Il y a des élections législatives en juin 2011. Pendant ce temps-là, il négocie avec le FMI, il signe le programme d'austérité en mai 2011 avec le FMI, et le FMI demande que tous les partis susceptibles d'arriver au pouvoir signent l'accord du programme avant les élections législatives. C'est le gouvernement de droite de Passos Coelho qui arrive au pouvoir et qui applique l'austérité, négociée par le socialiste Socrates. C'est pas mal quand même. Le consentement populaire. C'est bien ça. Donc, il n'y a pas consentement populaire. Moi, ce que j'affirme, c'est que les trois pays qui ont signé des accords avec la fameuse Troïka, le FMI, l'Union Européenne et la Banque Centrale Européenne, ont des prêts odieux. Donc je ne parle pas de l'Espagne, parce que ces trois pays, c'est la Grèce, l'Irlande et le Portugal. Pour l'instant, l'Espagne n'a pas signé d'accord avec le FMI. L'absence de bénéfices. On a vu tout à l'heure la liste de l'austérité. Prenez une ligne de cette liste. Et dites-moi, où est le bénéfice pour le peuple, hein? Réduction des salaires des fonctionnaires, augmentation de l'âge de la retraite, hausse de la TVA, etc. Tout est contraire aux intérêts des populations. Ça viole même la charte des Nations Unies, pourtant que tous les États doivent respecter. Si vous lisez l'article 55, il dit que cette charte doit favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions économiques et sociales des populations progressent avec les programmes d'austérité? Donc il n'y a pas de bénéfice pour les populations. En connaissance de cause, bah oui, puisqu'ils ont mis dans les gouvernements de ces pays leurs représentants. Comment est-ce qu'un pays, comment est-ce que le FMI ou la BCE peut dire qu'ils ne savaient pas, en prêtant à la Grèce, qu'elle allait faire de l'austérité, puisqu'ils ont mis comme conditionnalité au prêt, il y a des programmes d'austérité? C'est fou quand même. Hein? Donc c'est bien une dette odieuse. Les trois critères sont remplis. Mais pour les prêts, d'accord avec le FMI. Pas pour la France. Nous, on ne rentre pas pour l'instant dans ce cadre-là. Donc il y a autre chose. La question, c'est est-ce que la dette, elle est illégitime? Alors c'est quoi une dette illégitime? Ben ça, c'est un petit peu différent. Une dette illégitime, c'est pas une dette avec un cadre juridique précis. L'illégitimité de la dette, c'est un rapport de force. Une dette légitime aujourd'hui peut très bien être illégitime demain, si nous, on arrive à imposer qu'elle est illégitime. C'est la conception même du rapport de force. Donc aujourd'hui, la France décide que sa dette est légitime et qu'elle la rembourse. Puis demain, elle peut décider qu'elle est illégitime. Donc c'est à nous de travailler pour inverser ce rapport de force. D'accord ? Alors pourquoi est-ce qu'elle est illégitime ? Bien parce que, est-ce que c'est légitime de demander à tous de payer pour rembourser des prêts qui n'ont profité qu'à quelques-uns? Puisque cette dette qu'on rembourse, elle vient de la baisse des recettes fiscales qui ont profité à quelques-uns. Donc on regarde un petit peu des chiffres, ça faisait longtemps, moi je suis prof de maths, donc excusez-moi, mais c'est comme ça. Si on regarde le taux marginal de l'impôt sur le revenu, vous voyez l'évolution depuis en gros les années 80 aux années 2000. En France, c'était 65% en 86, on l'oublie ça. Maintenant, c'est remonté à 41%, parce qu'il faut bien faire un peu quand même, mais... En gros, un riche de 1986 payait en impôt sur le revenu plus de 37% de plus qu'un riche d'aujourd'hui, à montant égal. D'accord? Et si vous regardez bien, c'est partout pareil. Alors même si on remonte à 45%, hein, on va pas revenir à... Alors il a dit 75, très bien, 75. Très bien. On peut même faire 80 ou 90, enfin, parce que c'est à partir d'un seuil. Hein, parce que c'est ça, le mot le plus utilisé depuis que Hollande a dit 75%, c'est confisquer. Ça, mais je suis sûr que c'est une agence de communication qui a dit, vous dites ça aux gens, oh, on me confisque mon argent. C'est confiscatoire. C'est une confiscation. Mais non, c'est pas confiscatoire. C'est 75% pour la tranche qui est au-dessus d'un million d'euros par mois. Enfin, par personne. Par an. Mais par personne. Non, oui, par an, mais pas, c'est pas par foyer. C'est par individu. Quoi. Ouais. Mais 75% à partir d'un seuil. Donc on va pas lui piquer. Soit... Quand bien même on le piquerait 75%. Enfin... Bref. Il lui en restera plus qu'à nous. Hein. Enfin... L'impôt sur les sociétés. Donc nous, avant, c'était 45%. Maintenant, c'est 33,3%. Mais vous voyez, partout, ça baisse. Regardez bien, l'Irlande, 12,5%. On est venu sauver les banques irlandaises. Alors, c'est marrant, parce que les banques irlandaises étaient privées. Mais l'État garantissait toutes les créances des banques irlandaises. Ça lui a coûté l'équivalent de 45% du PIB à l'État irlandais. Et quand on est venu aider donc l'État irlandais qui était en crise parce qu'il était venu renflouer des banques privées qu'il n'était pas du tout obligé de le faire d'un point de vue théorique, on lui a dit, mais quand même, vous avez un taux de 12,5%, avec ça vous attirez les sociétés, nous on ne peut pas les avoir, on vient vous aider, mais vous êtes sympa, vous le remontez le taux. Et bien il y a une anecdote après, je vous la raconterai sur la page d'après parce que c'est assez croustillante sur l'Irlande. Bon, ça baisse partout. C'est le suspense, ça. En fait, nous, c'est pas 33,3 du tout. Le taux réel d'imposition, c'est 22%. Globalement, pour toutes les entreprises françaises. Pourquoi ? Alors, c'est une belle expression, optimisation fiscale. Hein, il y a la part légale et il y a la part illégale dans l'optimisation fiscale. Hein. Donc, par exemple, il y a un truc légal qui s'appelle le report illimité des déficits. Donc, par exemple, France Télécom, quand il a acheté Orange, ça lui a coûté la peau des fesses. Et donc, il était en gros déficit cette année-là. Et bien, son déficit, il a pu le reporter d'année en année, comme ça. Et du coup, il ne paye pas d'impôts, puisqu'il est toujours en déficit à cause d'Orange. Ben, du coup, il ne paye pas d'impôts. SFR non plus, ne paye pas d'impôts. Voilà, donc, ils font une grosse acquisition, ils prennent le cash, et puis, ils ne payent pas d'impôts. Ou des filiales dans des paradis fiscaux. Du coup, on fait une filiale dans un paradis fiscal, c'est elle qui fait les bénéfices, et puis l'autre qui est en France, elle fait les déficits. Voilà, c'est des jeux d'écriture entre filiales. Il y en a 1400 pour les seules entreprises du CAC 40. C'est le magazine Alternative Économique qui avait compté ça. C'est pas mal, parce que si vous divisez 1400 par 40, c'est un exercice intéressant, suivant le niveau qu'on a en maths, mais il reste pas mal. Chaque entreprise du CAC 40 a beaucoup de filiales dans les paradis fiscaux. Le taux réel pour celles du CAC 40, c'est 8%, parce qu'elles, elles ont une ingénierie financière qui leur permet d'utiliser cette optimisation fiscale. La PME du coin, elle ne va pas pouvoir faire ça. Elle ne va pas créer 40... filiales dans des paradis fiscaux. 8%. Et donc la ministre irlandaise qu'on interviewait pour dire, écoutez, votre taux de 12,5, il faudrait le remonter. Elle dit, bah oui, peut-être que vous voudrez qu'on le remonte, mais nous, on aimerait bien que vous êtes déjà à notre niveau. Parce que nous, en France, c'est que 8%, le taux réel pour le CAC 40. Donc le jour où vous serez à 12,5%, peut-être que nous, on remontera le nôtre. Ben voilà. Donc ils sont restés à 12,5%. Donc la hausse de la TVA, donc vous savez que alors, on a remonté à 7%, un taux intermédiaire, là. Puis après, ah bah tiens, on va passer à 21,2, puis enfin, donc on remonte la TVA, cet impôt intelligent. La baisse de l'impôt sur les grandes fortunes, alors on a dit, l'impôt sur les grandes fortunes, quand même, c'est confiscatoire, certainement. Le seuil est trop bas. Donc 800 000 euros de patrimoine, ça fait pas assez. Donc on va payer que seulement à partir d'1,3 million d'euros. Donc là, quelqu'un qui était riche, j'étais content. Et puis après, on a dit vraiment, c'est trop compliqué, il y avait 5 taux. Qui était compris entre 0,55% et 1,8%. On va simplifier, on va faire que deux. Un à 0,25 et un à 0,5. C'est-à-dire qu'en fait, le taux le plus haut de la nouvelle version, il est plus bas que le taux le plus bas de l'ancienne version. C'est pas mal quand même comme réforme. Bon, juste quand même un bémol, c'est que maintenant c'est imposition dès le premier euro, alors qu'avant c'était imposition à partir du seuil de 800 000. D'accord ? Donc ça atténue un petit peu ce que je dis. Donc c'est 0,25 pour un patrimoine entre 1,3 et 3 millions d'euros, 0,5 pour au-dessus de 3 millions d'euros. Donc moi j'ai fait le calcul pour un patrimoine de 10 millions d'euros, parce qu'il ne faut quand même pas mégoter avec les chiffres, quoi. Tout de suite plein pot, quoi. 10 millions d'euros, et bien celui-là il a payé 110 595 euros d'impôt sur la fortune en 2011, et il ne paiera que 50 000 euros d'impôt sur la fortune en 2012. C'est cool comme ça. Le coût c'est 2 milliards d'euros par an pour l'État. Donc on se prive de 2 milliards d'euros par an. C'est vrai, en ce moment, les finances vont bien. C'est le moment de le faire. Enfin, c'était vraiment adapté. Donc c'est entré en vigueur en avril 2011. en France. Alors, Gilles Carrez, un député UMP, qui a fait un rapport où il a chiffré justement les allègements fiscaux entre 2000 et 2009. Donc la phrase, elle est intéressante, elle veut trop rien dire parce qu'il a oublié un peu des mots, mais je vous la remets d'aplomb. Entre 2000 et 2009, le budget de l'État aurait perdu entre 101,2 milliards d'euros, qui représente 5,3% du PIB, et 119,3 milliards d'euros, qui représente 6,2% du PIB, en recettes fiscales, par an. Donc j'arrondis. En gros, par an, l'État se prive de entre 100 et 120 milliards d'euros. Ça veut dire qu'en l'absence de telles mesures, c'est-à-dire s'ils avaient payé ces 120 milliards d'euros d'impôts, le déficit public et la dette publique brute se seraient établis à 3,7% au lieu de 7,5%. Je vous rappelle que Maastricht, c'est 3%. Et à 54,6% au lieu de 77,4%. Maastricht, c'est 60%. Un excédent aurait été dégagé 3 années de suite, de 2006 à 2008. Enfin, la dette publique brute serait passée sous la barre des 50% du PIB en 2007 et 2008. Donc on voit d'où vient cette augmentation exponentielle de la dette. Il y a une phrase intéressante, donc, c'est dans un bouquin qui s'appelle « Cette fois, c'est différent. 8 siècles de folie financière ». Donc c'était écrit par Kenneth Rogoff, qui est l'ancien numéro 2 du FMI, donc c'est pas un révolutionnaire patenté, et Carmen Reinhart, qui est une prof d'économie à l'Université du Maryland. Ils ont dit « Les circonstances dans lesquelles une dette a été accumulée peuvent affecter le regard du débiteur sur sa légitimité et sa propension à la rembourser ». Intéressant quand même de leur part à eux. C'est-à-dire, on ne rembourse pas n'importe quoi, n'importe quand. C'est-à-dire, moi, j'ai fait un prêt pour ma bagnole, je le rembourse, mais je m'utilise ma voiture, je suis venu avec. D'accord ? Alors que nous, ils nous font rembourser une dette dont on n'a pas vu la couleur. Moi, ma voiture, j'avais une facture. J'ai payé et on m'a donné une facture en échange. Juste, c'était marqué le bien que j'avais en échange ou le service qu'on me rendait. Elle est où la facture de la dette qu'on nous demande de rembourser là ? L'audit, c'est ça. Qu'on fait avec un collectif pour un audit citoyen, c'est on demande la facture. Montrez-nous la facture. Et on décide si c'est légitime ou pas de rembourser cette facture. Si on trouve que c'est légitime, ce prêt-là, il a servi à construire un hôpital, et ça, on rembourse. Mais à mon avis, ça ne va pas faire lourd. Si c'est illégitime, on ne rembourse pas. Il se débrouille. Donc on ne veut pas payer une dette qui n'est pas la nôtre. Alors vaut mieux un grand dessin, un petit dessin qu'un grand discours, c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est histoire de... Parce que c'est lourd comme sujet quand même. C'est... Voilà, donc ça c'est la dette au niveau global. Alors je sais pas comment on fait, est-ce qu'on fait une pause et puis on parle tous ensemble de tout ça, et puis ensuite j'embraye sur le niveau local. Mais si vous n'êtes pas trop bavard, parce que sinon après moi il faut que j'en replace encore un peu quand même. Ou alors je fais tout de suite local et on parle de tout d'un coup. Ouais, allez. Du local, du global au local. Au secours, je fais quoi là? Comme ça? C'est pas celui-là. Local. Gaporama. À partir du début. Voilà. Donc un audit local. Qu'est-ce qui se passe au niveau local? Donc menu du jour, pareil. On va regarder tout ça. J'ai pris le cas du Loiret parce que moi je viens d'Orléans. Mais à mon avis, vous pouvez tout à fait transposer à votre département. Donc qu'est-ce qu'on appelle les administrations locales? Là aussi, donc tout à l'heure on avait dit la dette publique. Il y a les administrations centrales, les administrations locales, la sécu. On prend juste la partie administration locale. Elle se sous-divise en 3 parties. Les collectivités locales, donc communes, conseils généraux, conseils régionaux. Les établissements publics de santé, grosso modo les hôpitaux. Les organismes de logement social, donc en gros les offices HLM. Voilà les 3 parts de la dette locale. Ça se chiffre à combien? Donc on a dit la dette publique de la France, totale, c'est 1700 milliards d'euros. La dette locale, c'est beaucoup moins. C'est 276,8 milliards d'euros, donc à peu près 16% de la dette totale. Il y en a 160 milliards pour les seules collectivités territoriales, donc communes, conseils généraux, conseils régionaux. Ça fait moins de 10% de la dette totale. Mais avec ces moins de 10%, c'est quand même eux qui réalisent plus de 70% des investissements publics en France. D'accord ? Donc évidemment, pour financer à cette hauteur-là, il faut s'endetter. Donc ils ont une part de dette d'environ 10%. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Vous avez peut-être entendu parler des prêts structurés et des prêts toxiques. Qu'est-ce qu'un prêt structuré? Un prêt structuré, c'est un prêt à taux variable, avec des mensualités de remboursement qui sont moins importantes au départ, donc un taux qui est même franchement inférieur au taux du marché. On se demande comment c'est possible, puisque le taux du marché, c'est le taux normal, quoi. Si c'est plus petit, c'est que ça cache quelque chose. Mais c'est beaucoup plus risqué que les prêts à taux fixe ou à taux variable classique. Le prêt à taux variable classique, c'est un prêt qui est indexé sur un indice de la zone euro. Donc en gros, si l'économie croît rapidement, le taux va augmenter. Si l'économie croît moins vite, le taux va diminuer. En gros, ça va suivre l'économie. Le taux fixe, c'est embêtant parce que si vous faites un emprunt à taux fixe quand les taux sont à 10%, les taux dégringolent à 3%, vous payez toujours du 10%. Donc l'idée, c'est de faire suivre un petit peu la courbe de l'économie. Les prêts structurés, c'est beaucoup plus dangereux que ça. C'est toxique, en fait, parce que c'est comme le nom l'indique ensuite. Donc au départ, il y a des prêts structurés qui peuvent être intéressants. La part du risque, ben, elle est à sous-peser. Est-ce qu'on prend le risque ou pas? Le problème, c'est qu'il y a des risques très importants qui sont derrière. Donc c'est quoi un prêt toxique? Ben, un prêt toxique, c'est un prêt structuré quand le risque se concrétise. En gros, il y a une barrière. On vous dit si tel quota est inférieur à ça, le taux il est bas. Puis si tel quota est supérieur à ça, ben là, d'un seul coup, ça peut prendre des proportions incroyables. Tant que ça reste en dessous, le maire ou le conseiller général, il peut que se féliciter d'avoir pris ce prêt-là. Le problème, c'est quand ça passe au-dessus de cette fameuse barrière. Donc c'est là que ça devient un prêt toxique. Alors des prêts structurés peuvent présenter un risque faible. Donc ce sont ceux qui sont basés sur des indices monétaires raisonnables. Donc soit l'indice de l'Euribor, qui est en gros l'indice au sein de la zone euro. Le Libor, qui est l'indice au sein de la Bourse de Londres. Une barrière simple, c'est une barrière, c'est pas un cliquet. Il y avait certains prêts où, une fois qu'un certain quota passait au-dessus d'un montant, même si ensuite il repassait en dessous, eh bien, le taux restait très élevé. D'accord ? C'est un effet cliquet, quoi. Donc faut empêcher ça, quand le taux redescend, ben, il faut que ça puisse changer. Et sans multiplicateur, c'est-à-dire que vous allez voir, il y a des belles formules avec un coefficient de vent qui fait prendre des proportions pas possibles. Donc on a le droit de dire, on prend tel indice de variation, mais il faut que ce soit un indice simple, pas multiplié par 2, par 5 ou par 7. Alors les types de prêts dans les dettes locales. En fait, au niveau local, il y a à peu près la moitié des prêts qui sont des prêts à taux fixe. Donc cela ne pose pas problème. Il y a des prêts à taux variable classiques pour 33%. Il n'y en a que 20% qui sont structurés. Pourquoi est-ce que certains sont devenus toxiques? Ben, à cause de la crise. À cause de la crise, les indices sont devenus très volatiles. Et justement, les indices concernés par ces prêts ont d'un seul coup franchi des barrières qu'on pouvait penser qu'ils ne franchiraient pas. Alors, je vous prends des exemples. Parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes, vous allez voir. On va rigoler. Enfin, un peu, mais... Donc le contrat qui s'appelle taux fixe, vous avez vu? Ils sont quand même forts chez Dexia. Il s'appelle taux fixe. Alors taux fixe, des fois, il l'appelait taux fixe dual. Il y a deux choses. Il y en a une qui est taux fixe, puis l'autre, on ne vous dit pas. Vous voyez, enfin, c'est un peu ça. Donc taux fixe, deux fois fixe. Taux fixe, fixe MS. Donc chez Dexia, ils avaient vraiment des esthètes au niveau de la langue française. Donc c'est la ville de Gourdon dans le Lot, l'exemple que j'ai pris. Il y avait trois phases. Pendant deux ans, alors pourquoi deux ans? Bon, en général, c'est jusqu'aux élections qui suivent. Oui, si l'élection municipale, c'est en 2008, on va faire le prêt en 2006, on va jusqu'en 2008. Bilan impeccable, et après, rouf. Ensuite, pendant 15 ans, c'est un taux défini par la formule suivante. Accrochez-vous aux branches, je retire l'échelle. 5,21% moins 5 fois la différence entre le CMS 30 ans et le CMS. Alors le CMS, c'est Credit Maturity Swap. C'est le taux du swap, un taux financier, voilà. À 30 ans, moins le taux à 2 ans, si la différence est négative, et 3,84% sinon. Donc, le gars qui regarde un peu loin, qui n'est pas prof de maths, par exemple, ça peut pouvoir arriver, on va pas retrouver ça quelque part dans la population, il se dit, bah, 5,21 moins quelque chose, c'est sympa. Ça sera toujours en dessous de 5,21. Sauf que le quelque chose, il est négatif. C'est 5,21 moins 5 fois un truc quand il est négatif. Vous comprenez le truc? Et ensuite, pendant 7 ans, on dit que vous avez assez payé, donc maintenant ça va redevenir le taux fixe. Non mais c'est incroyable parce qu'il présente ça avec un signe moins. C'est ça le multiplicateur, le 5 fois, dont on disait tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un prêt structuré. Un autre exemple, je ne vais pas taper que sur Dexia parce qu'ils ont des petits copains, la caisse d'épargne, Helvetix. Helvetix, c'est... la Suisse, les médicaments, les banques, les coffres-forts, voilà, c'est propre, quoi, si vous voulez. Helvetix. Donc c'est la ville de Melun en 2007. Il y avait une phase bonifiée, donc de 4 ans à 2,74%. Très intéressant. Et ensuite, une phase risquée. Alors, si la parité entre l'euro et le franc suisse, elle est supérieure à 1,44, alors le taux, c'est 2,74 toujours. Mais si elle est inférieure à 1,44, le taux, c'est 2,74 plus 0,6 fois Vous accrochez là toujours ? Donc, le taux de l'euro par rapport au franc suisse au jour de souscription du prêt, moins le taux au moment donné, divisé par le taux au moment donné. Vous comprenez la formule ou pas ? Hein ? Et on a la pub que Dexia a donnée à Melun. On avait des superbes courbes depuis 1991. Regardez, c'est jamais passé en dessous de 1,44. Même le 11 septembre 2001, où les taux ont énormément varié, c'est resté au-dessus de 1,44. Il ne va rien vous arriver, quoi. Donc, vous aurez du 2,74% tout le temps. Eh bien, ils ont signé. Alors, on ne va pas quitter Melun tout de suite. Donc, comment il devient toxique ? Le jour de la souscription, le taux, c'était 1,615. Donc, c'était au-dessus du 1,44. Le 1er mars 2012, donc j'ai fait ça il y a peu un mois, le taux était de 1,205. Donc, je reprends ma belle formule de l'autre côté. Comment je fais pour remonter comme ça ? Donc, 2,74 plus 0,6 fois, et puis je remplace. Donc, je vous le refais. 2,74 plus 0,6 fois le taux au jour de souscription moins le taux au jour J à l'heure H à l'instant T0 divisé par le taux du jour. Et ça fait 0,6 fois 0,34. On dit que ça fait pas beaucoup. Mais c'est en pourcent. 0,6 fois 0,34, ça fait 0,20. Mais ça fait 20%. Je sais pas si je suis clair. Je suis trop clair, en fait, je pense. C'est trop clair l'escroquerie que ça représente. Donc, ils ont payé du 23,15% là, ce mois-ci. 23% de taux d'un... Vous vous rendez compte ? 23%. Bougez pas. Pourquoi c'était 1,205 ? Parce que l'euro s'est effondré par rapport au franc suisse. Et la Banque nationale de Suisse, elle remet des sous sur le marché pour le maintenir au-dessus de 1,2. D'accord ? Donc c'est toujours 1,20, 1,21 en ce moment. Parce qu'elle n'a pas intérêt à ce que sa monnaie se surévalue de trop. Mais elle a pris cette décision-là en septembre 2011. De jouer sur le taux pour que ça reste au-dessus de 1,2. Mais en août 2011, donc moi j'ai pris les chiffres au 10 août 2011, c'était 1,026. Donc on était quasiment à la parité entre un euro et un franc suisse. Si vous reprenez cette superbe formule, ça fait du 37% de taux d'intérêt. Et ils ont payé 37% de taux d'intérêt. Alors oui et non. Je vais vous dire, la collectivité la plus touchée par les prêts toxiques, c'est le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, le 9-3. Le président, c'est Claude Bartolone. Et c'est lui qui a présidé la mission d'enquête parlementaire sur les prêts toxiques. Moi, j'ai rencontré son adjoint à Bartolone. Alors, juste pour la petite histoire, c'est pas lui qui a fait les prêts toxiques, c'est son prédécesseur qui a été PC. Fin du match. Donc, c'est partout. Je suis en train de parler d'un phénomène financier. Il y a des gens clairvoyants des deux côtés et il y a des gens malhonnêtes ou pas habiles ou maladroits des deux côtés. Là, il n'y a pas de... Les revendications des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Mais sur les prêts toxiques, il y en a des deux côtés qui ont fait des bêtises. Pourquoi ? Oui, j'ai rencontré l'attaché parlementaire de Bartolone. Et donc, je disais, mais vous avez quoi comme type de taux ? Lui nous a dit, nous, on a 97% de la dette qui est toxique. 97%. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des prêts à taux fixe ou variable classique. Puis Dexia est venu, leur a dit, mais on va renégocier tout ça. Ils ont pris la totalité de leurs prêts, qui étaient bien, et puis ils ont dit, on va en faire un nouveau à taux plus bas, puis il y a un petit truc qui peut varier, mais vous allez voir, ça ne va pas varier. Et paf. Et donc, ils ont 97% de leur dette qui est toxique. Et donc, il a sorti son téléphone, il avait un iPhone, il a sorti son téléphone, il a tapé dessus. Ah, aujourd'hui, 33-45%. Voilà, donc c'est pas une exception, j'ai pas pris l'exemple en fouillant pendant des heures pour trouver des montants aussi draconiens que ça. C'était du 30 ou 40% pour certaines collectivités. Et eux, en Seine-Saint-Denis, ils payent ces taux-là, mais ils les mettent sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations, et ils ont attaqué Dexia en justice, en espérant que Dexia perde et qu'il récupère l'argent. Mais ils payent. Ils payent. Il y a même un contrat de prêt qui a été fait entre les deux tours de l'élection pour les conseillers généraux. Donc l'ancien président a signé entre les deux tours. Vous vous rendez compte ? Il y a un contrat de prêt qui n'a pas été signé. Il y avait un pré-contrat qui avait été signé. Quand la nouvelle équipe est arrivée, ils ont envoyé un mail à tous les membres, à tous les fonctionnaires du conseil général pour dire « on ne le signe pas, on refuse ce prêt-là ». Et il y a un fax qui est parti d'un fonctionnaire et l'argent a été versé. Et le président n'a pas signé le contrat. Donc eux, ils sont à peu près sûrs de gagner. Sur ça, ils sont à peu près sûrs de gagner. Mais eux, ils demandent des dommages et intérêts à Dexia. Le problème, c'est comme Dexia s'est cassé la gueule, c'est l'État qui garantit. Donc si le Conseil général a gain de cause et on le défend pour qu'il attaque en justice, c'est nous qui payons. Vous vous rendez compte de l'arnaque que ça représente? Donc les effets, j'ai pris une petite commune, parce que 7500 habitants, donc c'est une petite commune, Thoiré-sur-Loire, près de Nantes. Le surcoût des prêts toxiques en 2010, c'était 60 000 euros. Le surcoût en 2011, 290 000. C'est 9 emplois communaux. Vous payez et vous virez 9 personnes? Ils n'ont pas payé. Mais ils partent un petit peu tous en ordre dispersé pour l'instant. Donc on va voir ensuite que la mission parlementaire a permis d'avancer dans le sens d'une unification des démarches. Donc les chiffres, justement, la mission parlementaire a pu forcer les livres de compte des banques. Elle a pu... Le rapporteur de la commission a pouvoir de police. Donc il peut dire à la gendarmerie, on va au siège de telle banque, on entre et vous les contraignez à me donner ce que je demande. Juste le rapporteur. Mais sinon, ils ne voulaient pas les donner. Et du coup, ils ont donné. Donc ils ont réussi à estimer, il y a 32 milliards d'euros de prêts structurés pour les acteurs locaux, dont 23 pour les collectivités territoriales. Et parmi ceux-là, à haut risque, il y en a 18, dont 13,6 pour les collectivités territoriales. Parmi ces prêts, Dexia est 70%. Donc eux, c'est les enflures numéro 1. D'accord ? Eux, c'était une démarche agressive, même envers les communes de moins de 10 000 habitants. BPCE, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, c'est 14%, et c'est essentiellement la partie Caisse d'Épargne. Crédit Agricole, 9%, Société Générale, 6%. Quasiment pas BNP Paribas. Donc c'est pas pour ça que vous allez là-bas, au contraire. Hein, mais pas sur ça. Il y a des sociétés étrangères qui sont aussi impliquées, la Royal Bank of Scotland, la DEPFA Bank, qui est une banque irlandaise qui a été rachetée par une banque allemande, et la Deutsche Bank. Donc voilà, j'ai les noms des meneurs, donc je vous les donne. Si vous voulez les pendre, vous savez où les trouver. L'escalade. Donc en fait, les prêts sont devenus toxiques à cause de la crise. Alors la commission a reconnu que les indices étaient absolument sans lien avec l'activité d'intérêt général des acteurs publics locaux. Est-ce que la ville de Melun doit emprunter en fonction du franc suisse? Des fois, c'était la parité entre le yen et le dollar pour une commune de moins de 10 000 habitants. Des fois, c'était le cours du pétrole. Ou c'était le taux à la bourse de Prague. Enfin, truc complètement insensé, quoi. Ensuite, la très forte hausse des remboursements. Ben, les banques, elles appellent les communes appellent la banque. Et vous voyez, 30% et 37%. Il faut qu'on fasse quelque chose. D'accord, on renégocie. Il renégociait la dette et il remplaçait par un prêt encore plus risqué. Il les tenait complètement à la gorge. Donc responsable numéro 1, les banques. On les aime bien. Enfin, c'est nos chouchous. Alors, il ne faut quand même pas dédouaner les communes. Il y a effectivement des communes, surtout les plus petites, qui n'avaient pas la possibilité de comprendre le risque. Ça, c'est sûr. Moi, je vois, j'ai un collègue qui est prof de français. Et, il a été sur une liste dans un petit bled. Ils ont gagné. C'est pas de bol. Ils gagnent les élections. Il y avait le maire, c'était le premier de la liste. Adjoint aux finances, ils n'avaient aucune idée de qui ça allait être. Lui, il a dit, bah, s'il faut, moi, je veux bien. Enfin, mais il ne savait pas du tout ce que c'était un prêt toxique, quoi. Alors, à mon avis, il n'en a pas, parce qu'il a dû faire gaffe. Mais bon, j'ai rendez-vous avec lui la semaine prochaine pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Mais voilà, il y a effectivement des petites structures où c'était le premier qui passait qui avait le poste, quoi. C'était... Mais les grandes collectivités locales, c'est-à-dire les conseils généraux, les conseils régionaux et les maires des grandes villes, ils savaient. Ils savaient qu'ils prenaient un risque. Ils ont pris le risque en connaissance de cause. Ben, maintenant, c'est eux qui assument. Ils se sont dit, on va avoir un taux bas. Mais ben, si on vous vend un vélo 3 fois moins cher, qu'il est fabriqué en Chine, et que quand vous en servez 4 fois, les pédales qui cassent, vous n'êtes pas surpris. S'il vend 3 fois moins cher, il y a quelque chose derrière. Je dis un vélo comme n'importe quoi d'autre. Enfin, on n'en a que pour son argent. Si la banque accepte un taux qui est inférieur au taux du marché, c'est qu'elle va se refaire sur autre chose. Parce qu'à chaque renégociation, il y a des marges pour la banque. C'est au moins 2 ou 3 fois plus de marge pour un prêt structuré que pour un prêt classique. Il y a aussi des problèmes du côté donc, des directeurs financiers et des élus des grandes collectivités locales. Il y a un problème de contrôle de l'État. Normalement, les préfets doivent vérifier la légalité de toutes les délibérations prises. Or, les préfets avaient les délibérations, mais pas les contrats de prêt. Donc, en fait, le conseil municipal, parce que c'est comme à la banque, on leur disait, le maire, faut dire top. Vous savez, comme on achète l'action, paf, j'achète à ce montant-là. Donc, ça ne peut pas être le conseil qui se réunit et puis qui dit top parce qu'ils se réunissent à 20h30 en un soir de semaine, quoi. Donc, le conseil mandatait, donnait une délégation au maire pour qu'il emprunte. Mais c'est au nom du conseil municipal. Mais il ne pouvait pas mettre à quel taux a priori, puisque ça est déterminé au moment où le maire allait dire top dans le téléphone avec l'autre qui a ses trois téléphones à l'autre bout, là, à la bourse. Hein. Bon. Mais cette délibération était envoyée au préfet, qui regardait si c'était juste ou pas. Mais on ne pouvait pas mettre le taux, donc c'était le taux initial qui était marqué dessus. Et donc le préfet n'avait, ou la préfecture, n'avait pas le détail du prêt. Le contrat de prêt, le contrat, c'était un contrat de droit privé. Donc vous ne pouvez pas le transmettre à n'importe qui, si vous ne voulez pas. Donc la plupart des contrats de prêt n'étaient pas transmis. Il y a même des banques qui faisaient signer aux communes un papier comme quoi ils reconnaissaient être une entreprise, pour pouvoir leur dire « vous ne viendrez pas vous retourner contre nous après ». Une collectivité locale, ce n'est pas un particulier, mais ce n'est pas une entreprise. Il y a un problème de statut à cet endroit. Le trésor public, aussi. Et puis les chambres régionales des comptes doivent vérifier les comptes des collectivités locales. Et certaines ont lancé quelques alarmes, mais c'était vraiment dans le désert. Des cabinets de consultants privés. Les grandes collectivités ont des consultants, ont des conseillers financiers qui n'ont pas du tout attiré leur attention là-dessus. Et les agences de notation qui notaient toujours triple A. Tant que ça allait, même s'il y avait des prêts structurés derrière. Donc les fautes des banques. Alors tout ça, c'est les conclusions du rapport parlementaire. Hein, donc je ne suis pas en train d'inventer des choses. Une démarche agressive, même envers les petites communes. Elles ont une obligation de conseil et d'information qu'elles n'ont pas eu, qu'elles n'ont pas remplie, et une obligation même de mise en garde qui suppose que le banquier attire l'attention de son client sur les dangers potentiels d'une opération donnée. Et puis, bah, quand on appelle le prêt taux fixe, c'est de l'escroquerie. Enfin, faut pas déconner, quoi. C'est pas de la com, quoi. Donc, les recommandations parlementaires. L'interdiction des produits... Alors, ça ne veut pas dire que c'est fait. La mission, ensuite, va rédiger un projet de loi. Ce projet de loi, il doit être approuvé. Donc, comme ça n'a pas été fait là, ça va être par la législature suivante. Donc, il faut qu'on reste vigilant sur ce qui va se passer maintenant. Et puis ils peuvent très bien dire qu'il faut faire plein de choses, puis que dans la proposition de loi, il y en a beaucoup moins qui soient marqués, hein, que par, entre-temps, on a mis de l'eau dans le vin. Hein. Donc interdiction des produits structurés ou dérivés avec multiplicateur, pas de x5, x7 ou tout ça. Mise en place d'un capping global, un capping c'est une majoration, un taux maximum. On dit vous prenez la formule que vous voulez, mais ça ne peut pas dépasser 20%, d'accord, ou 15 ou 10 ou moins, enfin, mais la plupart des prêts n'étaient pas capés. Il y a la ville de Saint-Étienne, dans le rapport c'est cité, la ville de Saint-Étienne, elle a un prêt capé à 24%. S'il n'y avait pas eu le majorant de 24%, le prêt il aurait été de 130% d'intérêt. C'est incroyable. L'Assemblée demande un débat annuel sur la stratégie financière et le pilotage pluriannuel de l'endettement, donc que ce soit à long terme que ce soit étudié. L'introduction de nouvelles annexes sur les emprunts pour les assemblées délibérantes, pas juste le taux initial, mais le contrat complet, la formule complète. Une obligation de provisionner les risques, oui, parce que s'il faut qu'ils provisionnent, même dans la phase bonifiée, ce qui peut se passer après, du coup, ce sera moins intéressant de faire ses prêts à taux réduit. L'encadrement de la conclusion des contrats d'emprunt avant les échéances électorales, par exemple, à 15 jours avant l'ouverture de la campagne électorale, interdiction de faire un prêt structuré. L'extension du contrôle de légalité, donc ce que reçoivent les préfets avec aussi le contrat de prêt. Un rapport annuel au Parlement sur la dette locale, parce que le Parlement est au courant de rien, en fait. Ça, le truc, il est au courant de rien. Vous savez que pendant des années, le gars qui représente la France au FMI et à la Banque mondiale, il rendait compte à personne, juste au ministre des Finances. Et en 99 seulement, donc le Fonds monétaire international a été créé en 45, hein, c'est en 99 qu'on l'a obligé à faire un rapport à l'Assemblée. Et nous, on a rencontré les députés socialistes de la commission des finances de l'Assemblée nationale, quand on leur a dit... Alors, le rapport est tombé avant le 30 juin de chaque année. On devait être fin septembre, début octobre. On leur a dit, on n'a toujours pas le rapport. Est-ce que vous l'avez? Ils disent, mais non, on est au courant de rien. Mais c'est marrant. Hein. Ils tombaient des nues. Ils ne savaient pas que ce rapport devait tomber. Que le rapport était remis et puis il ne servait à rien. Quoi. Donc là aussi, il faudra un rapport bien précis qu'on puisse faire un bilan, un état des lieux de la dette locale. Inopposabilité du secret bancaire aux commissions d'enquête du Parlement, donc on sent que le mec il a quand même un peu ramé pour avoir les chiffres qu'il a publiés. Et il propose une solution globale qui ne repose ni sur la solidarité nationale, c'est-à-dire en gros, c'est pas l'État qui paye à la place de toutes les communes, il y en a qui ont été sages, d'autres qui ne l'ont pas été, c'est pas l'État de faire n'importe quoi, de passer un trait, ni sur le traitement particulier des collectivités et établissements publics ayant pris les risques les plus inconsidérés, mais à purement rapide et généralisé des encours de prêts structurés. Alors voilà ce qu'il recommande, et je trouve que l'idée elle est très intéressante. Une structure ad hoc, donc comme le capitaine, vous savez, capitaine ad hoc. Ben, une structure spécifique, temporaire, qui serait un pôle d'assistance et de transaction. L'idée est la suivante. Une collectivité qui a des prêts structurés, elle transmet ce prêt à ce pôle, et c'est le pôle qui négocie avec les banques pour tous les prêts d'un coup. Tous les taux fixes de Dexia, on ne va pas envoyer les communes au casse-pipe une par une pour négocier, qu'une obtiendrait un résultat intéressant, puis l'autre moins intéressant parce que le gars n'a pas su taper du poing sur la table. Ce serait le pôle au niveau national qui gérerait tous les prêts taux fixes avec Dexia et qui obtiendrait les meilleures conditions possibles. Donc c'est vraiment une idée intéressante. Donc qui pourra engager au nom des collectivités et établissements publics qui le souhaitent un processus de renégociation afin de trouver une formule permettant de convertir chaque type de prêt structuré en prêt classique à taux fixe ou à taux variable. Mais la mission dit quand même, je ne l'ai pas mis dans le... Ben, j'ai pas cité tout le rapport, quoi. Mais elle dit, attention, on veut bien vous aider à ce que ça se passe bien maintenant pour vous, mais vous allez quand même profiter de quelques années à des taux plus bas. Vous allez payer la différence, quand même. Et à l'issue, il serait possible, au cas par cas, d'envisager une subvention d'équilibre de l'État afin de permettre le rétablissement du budget des plus petites collectivités. La phrase la plus importante, ça me semble être celle-là. Parce qu'il se rend bien compte que les banques, elles ne vont pas dire oui. Donc il les menace. S'il semblait impossible d'obtenir un effort substantiel des établissements prêteurs pour trouver une sortie raisonnable au contrat de prêt structuré en cours, le législateur pourrait alors envisager de remettre en cause l'équilibre contractuel des emprunts existants. Ça, c'est intéressant, parce que derrière ça, il y a l'illégitimité de la dette. Si on dit ce contrat, le législateur le modifie parce qu'il estime que vous n'avez pas fait d'effort substantiel, c'est que ce contrat est illégitime. D'accord ? Donc on peut s'appuyer sur cet argument-là. Donc l'audit... Je suis peut-être un peu long, je ne sais pas, non ? C'est vrai ? Donc le passage obligé de l'audit. Ben, l'audit, son but, c'est de déterminer justement la part odieuse. Et au niveau national, donc ça, il y a un collectif national qui fait ça, et au niveau local. Et au niveau local, mes petits gars, c'est vous qui devez le faire. D'accord ? Ça veut dire essayer d'avoir les informations, essayer de savoir quelles sont les collectivités qui ont des prêts toxiques, essayer d'avoir les contrats de prêt, mais pas, on ne va pas aller vers les communes en disant « S'il vous plaît, donnez-nous le contrat de prêt, mais vous êtes des connards d'avoir fait ça. » Ce qu'il faut, c'est qu'on aille épauler les communes, parce qu'en fait, derrière les communes, il y a les contribuables et les citoyens, dans leur rapport de force avec les banques. Après, on n'est pas dupe des responsabilités au sein des communes, et on peut les pointer sans aucun problème, mais il faut surtout les aider à négocier en face des banques. Donc il ne faut pas arriver comme le grand méchant loup, mais leur dire, on veut savoir, parce que d'abord c'est démocratique de savoir, les délibérations elles sont publiques. Donc le conseil a autorisé le maire à emprunter telle somme à tel montant, montrez-nous la délibération. Est-ce que c'est bien ce montant-là qui a été obtenu ? On parlait tout à l'heure de taux usuraire. C'est compliqué parce que l'attaché de Bartolone, je n'ai pas répondu sur ça. L'attaché de Bartolone a dit le taux usuraire, il se calcule sur toute la durée du prêt. Si c'est 2% au départ, 30% pendant 2 ans, et 2% pendant 20 ans, il ne sera pas usuraire sur la durée du prêt. Mais il faudra quand même payer 30% pendant 2 ans, et là, ils ne vont pas y arriver. Donc, on ne sera peut-être pas sur la totalité de la durée du prêt au-dessus des taux légaux. Voilà. Donc, l'audit, c'est pour rompre le tabou du remboursement de la dette. Le message dans les médias, c'est une dette, ça se rembourse, et maintenant, en dessous de tous les prêts, on met ça. Une dette, ça se rembourse, veuillez vérifier que vous pouvez, je ne sais pas quoi. Donc on nous dit, on a une dette, on doit la rembourser. Puisqu'on a trop dépensé, il faut de l'austérité. Voilà le discours officiel. Non, on n'est pas obligé de la rembourser. Si elle est odieuse, on n'a pas à la rembourser. Si elle est illégitime, on n'a pas à la rembourser. Donc faire un audit, c'est annoncer publiquement qu'on est en train de se poser la question si cette dette est illégitime ou pas. Donc si on va la rembourser ou pas. Donc c'est très important cette idée de l'audit. Parce que c'est commencer à travailler, faire valoir nos droits démocratiques. Donc c'est pas qu'un problème financier. C'est pas un tableau Excel avec des plus et des moins. Et dire, oh là, je vais être perdu, je suis pas comptable, j'y connais rien. C'est un outil de démocratie nationale et locale. Après, si vous avez des problèmes pour comprendre des trucs, vous les transférez. Nous, on les lira, on vous aidera, on épaulera. Mais quelqu'un qui a en gros une tête, deux bras, deux jambes, il peut faire un audit. Ben même une tête et un bras suffisent. Enfin, schématiquement, il n'y a pas besoin forcément de deux jambes, ni d'un autre bras. Hein. Mais voilà, il n'y a pas besoin de percer des secrets d'État, il n'y a pas besoin d'accéder à des informations confidentielles, il n'y a pas besoin de menacer un maire ou un député pour avoir accès aux informations. Il faut accéder à des informations qui sont publiques, qu'on doit déjà pouvoir avoir accès à ces informations. Il faut aller les chercher et puis synthétiser tout ça. Donc c'est rompre le tabou. Ensuite, donc, ce collectif, il veut déterminer la parité légitime et odieuse au niveau national et local. C'est un impératif démocratique, j'ai tout dit avant. Alors, pour l'annulation, pourquoi il faut annuler la dette? Moi, je pense à une très grande part qui est illégitime. En fait, la dette qu'on nous demande aujourd'hui, c'est une dette qui a eu un effet boule de neige. Et le montant qu'on nous demande n'a plus rien à voir avec le montant qui a réellement été injecté dans l'économie. Donc, on peut très bien dire un moment top, quoi. Il faut un moratoire sans pénalité. Parce que si on dit, maintenant on fait un audit, il faut arrêter de rembourser. On fige les choses à un instant donné, parce que si on fait un audit et qu'on met 3 ans à le faire, et pendant ce temps-là, la dette est multipliée par 2, on va recommencer au bout des 3 ans. Donc il faut figer les choses au moment où on fait l'audit. Mais si on les fige, le créancier, il va dire, ah ben vous remboursez plus, pénalité de retard. Pas de ça, le but c'est justement qu'on ne te la rembourse pas, mon gars. Donc, moratoire sans pénalité. Et puis, il y a un cadre légal qui est tout à fait possible. On peut interdire de socialiser des dettes privées. C'est-à-dire, une dette privée est une dette privée. L'État n'assume que des dettes publiques. Pourquoi pas? Enfin, ça semble la moindre des choses, non? L'Équateur a adopté une nouvelle constitution où, dedans, il est marqué qu'il est interdit de socialiser des dettes privées. Pourquoi on ne le ferait pas? Nous, on nous dit bien, la BCE est indépendante, c'est dans les statuts. La règle d'or, on va la mettre dans la constitution. Ouais, ben pourquoi on ne mettrait pas ça dedans, hein? Une obligation d'organiser un audit permanent avec participation citoyenne. Ouais, le mot citoyen, il est super important. Parce qu'un audit, ils peuvent le faire. Ils vont prendre Michel Candessus, ils vont prendre Christine Lagarde, ils vont prendre un ancien ministre des Finances, ils vont la faire à eux trois et ils vont dire c'est légitime. Allez hop, on rembourse. D'accord? Donc c'est pas eux qui doivent le faire. Bien sûr, s'il y a des experts qui peuvent nous aider, mais on veut en faire partie. Nous, à la John Bartolo, on a dit si vous faites le pôle d'assistance, là, il y aura qui dedans? Il a dit ben, il y aura des banques, des collectivités territoriales, et puis des ministres, des députés. Il dit, ouais, et la population, alors elle est où exactement dans votre truc? Nous, on veut en faire partie. Ah, bah, il dit, je note. Bon, bah, il a noté. C'est tout. Imprescriptibilité des délits liés à l'endettement illégitime. Ouais, parce qu'après, vous dites, ah, bah, les 2 mois sont passés. De trop tard, fallait attaquer avant. Non, non. Quand on veut. Une règle d'or, nous sommes pour la règle d'or. Pour que les dépenses publiques qui permettent de garantir les droits humains fondamentaux soient incompressibles. Si on ne peut pas rembourser la dette, parce que si on la payait, les droits humains seraient plus garantis, alors on ne rembourse pas la dette. Pourquoi leur règle d'or et pas la nôtre, hein? Changer de cap. Alors c'est vrai que si on fait un audit et qu'on obtient l'annulation d'une part de la dette, on a quand même gagné quelque chose. On a déjà inversé le rapport de force. C'est-à-dire qu'on est capable d'imposer quelque chose. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Si on laisse le même mécanisme en place, la dette elle va se recréer. Il faut changer la logique même. Donc il y a d'autres idées. Juste redistribution de la richesse. Bon, ben, ça, c'est pas compliqué. Enfin, il y a des taxes Tobin. Ah, vous savez, il y a 10 ans ou 15 ans, on nous disait « Non, mais c'est bien gentil, la taxe Tobin, mais c'est complètement irréalisable. Hein? » Et là, maintenant, c'est marrant parce que c'est eux qui la font. Ben, ils la font... ils savent qu'ils vont prendre un petit peu de sous à ceux à qui ils vont rembourser la dette avec. Donc de toute façon, ça ne va pas leur prendre grand-chose. Mais elle n'est plus impossible maintenant, quand même. C'est intéressant, ça, comme idée. Lutter. Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la taxe Tobin, hein, mais nous, on avait avancé dans le bouquin, qui est là-bas, on a avancé une idée, vous n'avez peut-être jamais entendu, donc je la soumets comme ça, c'est un emprunt obligatoire pour les plus riches à taux zéro. C'est-à-dire qu'en fait, on les oblige à prêter une fraction de leurs revenus à l'État, et on les remboursera dans 10 ans ou dans 15 ans la même somme. Donc ils auront perdu de l'argent. Et on propose le même prêt, mais à un taux du marché ou un peu au-dessus, aux classes modestes, celles qui ont un petit peu d'économie, qui veulent faire un petit peu de profit garanti par l'État, et le prêtent. Et eux, ils auront des intérêts. Donc en fait, c'est le fait que les riches n'aient pas d'intérêt qui va payer les intérêts des autres. Donc ça participe aussi d'une plus juste redistribution. Voilà, donc il y a des idées. Hein. On n'en manque pas d'idées, des trucs à faire à l'encontre de ce qui se passe aujourd'hui. Lutter contre les paradis fiscaux. C'est super facile, quoi. Enfin, on a dit, on va faire l'euro. Ça, c'était super dur. Il fallait une monnaie commune à tous les pays de la zone. Ils ont réussi, hein. Mais lutter contre les paradis fiscaux, ils n'y arrivent pas. D'ailleurs, il n'y en a plus. Hein, la liste, il n'y a plus de pays dedans. C'est De Gaulle avait dit, j'ai cité Bush tout à l'heure, hein, et là, je cite, faut quand même noter, j'ai cité De Gaulle. De Gaulle avait dit, c'est facile de faire un blocus de Monaco, il suffit de 200 interdits. Hein, parce qu'il n'y a que deux rues qui descendent à Monaco. Vous mettez 200 interdits, il n'y a plus personne qui peut y aller. Mais ça voulait dire ce qu'il voulait dire. Il y a eu un moment où il y avait une crise entre la France et Monaco. De Gaulle, il a dit, c'est pas le confetti qui va m'emmerder longtemps. Et il a fait ce qu'il voulait avec Monaco. Bon, ce qu'il voulait, c'était pas forcément très net non plus, mais il a fait ce qu'il voulait quand même. Donc, les paradis fiscaux, c'est pas compliqué. Il suffit de dire, toute transaction envers un paradis fiscal, on ne la reconnaît pas. L'argent ne pourra pas revenir dans l'économie du pays où elle est partie. Mais ils vont plus le placer, leur argent, là-bas. Ou alors, tout placement dans un paradis fiscal, on lui met une amende du montant du placement. Ils vont plus aller le mettre là-bas. Enfin, si on veut, c'est pas compliqué d'activer ces leviers-là. On sait où va l'argent. Vous connaissez Clearstream, il y a Euroclear, les chambres de compensation. C'est là où, en fait, ils regardent machin qui prête à machin, qui rembourse. Et puis à la fin, ils font les bilans et puis ils se répartissent l'argent. Mais là, il suffit de regarder où va quoi. Enfin, tout est enregistré. Il n'y a pas d'argent pouf, qui disparaît comme ça. Eux, ils savent qu'il disparaît pas. Remettre au pas les marchés financiers. Donc, alors, peut-être que si on veut faire un blocus de la City de Londres, qui est aussi un paradis fiscal, ou du Luxembourg, il faut peut-être plus de deux feux rouges. Mais on est quand même assez nombreux, on peut faire quelque chose, quoi, un peu. Remettre au pas les marchés financiers, interdire la spéculation sur les titres de la dette publique, sur les monnaies, sur les aliments. Les domaines qui sont très importants pour une économie, et on ne spécule pas là-dessus. Interdire aux agences de notation de noter un État. Suppression. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais au moins, dans ce contexte-là, interdire de noter un État. Transférer sous contrôle citoyen les banques du secteur public. Ben oui. Enfin, le crédit, la finance, c'est un secteur qui est trop important pour être laissé aux créanciers privés, aux banquiers privés. Alors il y en a qui disent, peut-être vous entendez dans certaines revendications, c'est essentiellement la CGT qui porte ce message-là, un pôle public financier. L'idée, elle est intéressante. On se dit, bah oui, il faut qu'il y ait un pôle public financier. Mais attention à ce qui est derrière. Parce que s'il y a un pôle public financier, c'est qu'il y a un pôle privé financier. Et s'il y a un pôle public et un pôle privé, ça va faire comme dans la santé. Ce qui est rentable, c'est pour le privé, puis ce qui est long et coûteux, c'est pour le public. Donc la solution, c'est pas de privé. Enfin, même plus que nationaliser. Nationaliser, c'est ça revient à l'État. Mais comme l'État, avec les banques publiques, il fait la même chose que les banques privées, grosso modo, en ce moment. Socialiser, c'est ceux qui ont un droit de regard, sont les citoyens, les salariés, les clients, tout le monde, nous tous, quoi. Les associations de consommateurs, tout le monde. Pas que les pontes du ministère des Finances. Eux, c'est nos larbins. Enfin, c'est eux qui doivent obéir à ce qu'on décide. Abrogation des traités européens actuels, oui, ils se les abrogent eux-mêmes, mais ils remplacent par un qui n'est pas mieux, donc... Mais on remplace par des nouveaux dans le cadre d'un véritable processus constituant démocratique, parce qu'on en a connu un processus constituant avec votre ami Valérie, qui a rédigé un très beau traité que nous avons refusé, fort justement. Sauf qu'ils ont dit oui, nous avons compris le message, et le gouvernement qui a remplacé celui de Raffarin était exclusivement composé de ministres qui avaient appelé à voter oui. C'est le gouvernement de Villepin. Et donc on nous a complètement confisqué ce nom, quoi. Les Irlandais, les Hollandais avaient voté non. La Libération avait un titre intéressant, je vois, ils avaient dit « La Hollande, l'autre pays du non ». Vous savez, il y avait la pub, c'était l'autre pays du fromage. Là, c'était l'autre pays du non, parce qu'eux aussi, ils avaient voté non. C'est assez rigolo. Alors, l'exemple du Loiret. Dès qu'il est minuit, tu me dis, Claude, hein, j'abuse pas de votre temps. Hein. Là, donc, faut que vous appreniez ça par cœur, je fais l'interro à la fin. Hein. Non, l'idée, c'est la suivante. Le 21 septembre 2011... Libération a eu connaissance d'un rapport confidentiel de Dexia qui listait tous les prêts toxiques de Dexia. D'accord ? Mais c'est un rapport qui ne concerne que Dexia et qui est à fin 2009, donc qui n'est plus du tout d'actualité. Pour mon département, voilà toutes les structures qui, à fin 2009, chez Dexia, avaient un prêt toxique. Donc vous avez le nom de la commune ou de la communauté de communes ou de l'hôpital, ou même les pompiers, le service départemental d'incendie et de secours. Le nom du prêt, Tip Top, c'est pas mal, moi j'aime bien. Je suis assez fan de Tip Top. Si je faisais du marketing, je prendrais Tip Top, moi. Tofix Dual, oui, il y a même taux fixe, dual fixe. Allez, il est pas mal celui-là. Moi, je j'aime bien aussi. Fixia. Il n'y a pas arnaque ou escroquerie. Où y a, hein, non, pas. Ensuite, le montant du prêt. Le surcoût au jour du rapport, donc à fin 2009. Et le pourcentage du surcoût par rapport au capital initial. La date de début du prêt, la date de fin du prêt. Donc, vous voyez, ils avaient... Enfin, tout se passait bien pour eux. Il y en a un qui va jusqu'en 2042, je crois. Vous m'aidez à le trouver. 2045, à Guigneville. Guigneville, c'est 300 habitants. Hein. À tout casser. Et encore, quand en saison de chasse, mais... ah non, c'est 2030, non, c'est 2045. Voilà. Donc, on a fait ce tableau-là. Ensuite, on va contacter toutes les mairies. Celles de cette liste-là, en leur disant, est-ce que c'est vrai que vous avez un prêt toxique? Est-ce que vous confirmez les montants qui sont annoncés là? Si vous dites non, on n'en a pas, c'est une connerie. Ben voilà, montrez-nous l'état de vos comptes. Normalement, l'état de la dette de toutes les communes est public. Il y a un endroit sur le site du ministère des Finances, il y a la liste de toutes les communes de France avec l'état de la dette. Mais c'est un chiffre global, de 2000 à 2010, toutes les années. Donc ça, c'est un montant qui est public. Il y a même chaque année, pour préparer le budget primitif, le conseil municipal doit donner les chiffres de la dette. Donc on peut avoir ces informations-là. C'est des choses qui sont tout à fait à notre portée. Et on peut contacter les autres communes en disant « Et vous, au fait, est-ce que vous avez des prêts toxiques ?» Alors après, ce qu'on a fait. Donc on s'est créé, nous, seulement en février. On n'est pas un groupe vieux. On a fait deux groupes de travail. Un qui s'appelle Analyse globale, donc qui est chargé de comprendre le mécanisme que j'ai parlé un peu ce soir, de comprendre davantage, de lire plein de choses, et d'organiser la transmission du message vers l'extérieur. Est-ce qu'on fait des conférences? Est-ce qu'on fait une action de rue? Comment on participe à faire comprendre tout ça à un maximum de monde? En mois de décembre, avant que le collectif existe, Attac avait fait un super truc devant Dexia. Ils avaient pris un grand mannequin qu'ils ont balayé dans les rues d'Orléans. Ils l'ont roulé dans le goudron et puis ils l'ont accroché devant Dexia. Puis ils sont barrés, ils l'ont laissé devant Dexia. Donc voilà, photo dans le journal. Il y a des gens qui ont regardé comme ça, donc ils écrivaient des papiers, ils se comprenaient un peu. Voilà, est-ce qu'on fait des actions de rue pour faire comprendre au plus grand? Et un groupe qui s'appelle Audit Local, où là on travaille uniquement envers les municipalités et on essaye de faire cet audit. Donc le début de l'audit local, on a sollicité des rencontres avec les élus, donc essentiellement déjà ceux qu'on connaissait. On a des partis qui soutiennent le collectif, les élus de ces partis sont déjà au sein des mairies, ils peuvent demander des comptes, ils peuvent des insiders, comme on dit en anglais, ils sont à l'intérieur et ils peuvent nous... Donc on commence par ceux où on a un contact privilégié. Et ensuite, avec le collectif national, on a participé à la rédaction d'un projet de délibération type. Donc voilà ce qu'on demande. Donc on a mis attendu que, on en a mis tout un tas. Et ensuite, on demande donc, que le conseil municipal, régional, etc., affirme publiquement que sa politique d'endettement est mise exclusivement au service de l'amélioration des conditions de vie de tous ses concitoyens et rejette toute forme d'endettement à caractère spéculatif. Alors ça semble être révolutionnaire comme ça, mais en fait, c'est rien que la loi. Une commune n'a pas le droit de spéculer. Pourtant, il y a eu des prêts toxiques. Donc, le rappeler, c'est pas plus mal. On peut pas leur contester ça. Personne. Décide de ne contracter que des prêts classiques à taux fixe ou à taux révisable, avec des marges et des conditions de sortie correctes. Donc ça, c'est l'engagement du Conseil. Ensuite, demande solennellement aux autorités de l'État. Alors là, l'État, il va dire, mon petit gamin, tu vas jouer dans ton bac à sable, hein. Nous, on fait ce qu'on veut. Mais si nous, on dit, on a 1000 communes, on a 2000 communes qui ont pris la délibération et qui soutiennent ça, on peut avoir du poids face à l'État. Demande solennellement aux autorités de l'État de mettre en demeure les banques de transformer les prêts toxiques en prêts classiques, sans surcoût, sans soulte. Alors la soulte, c'est quoi? La soulte, c'est que quand la commune dit, oh là là, je suis trop endetté, je paye trop, on va tout vous rembourser d'un coup et puis c'est tout. Et bien, il y a une pénalité. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils remboursent tout d'un coup, plus une pénalité. C'est ça la soulte. Et la soulte, elle est grosso modo de 100% du capital restant. Donc il faut qu'ils payent deux fois ce qu'ils doivent encore. Et il ne peut pas. C'est des montants qui, à l'échelle d'un remboursement ponctuel, ne sont pas supportables par une commune. Donc sans soulte, sans allongement de durée, parce qu'ils peuvent dire on réduit un peu, mais ce sera sur 30 ans au lieu de 15. Ce n'est pas le but du jeu. Sans clause léonine ou abusive. Les banques devant supporter la totalité des surcoûts que leurs produits ont générés pour les emprunteurs. Demande à l'État de mettre en place un véritable service public de financement des collectivités locales et pas un pôle public, service public. Et adopte le label collectivité pour un audit citoyen initié par notre collectif, dont il approuve la démarche pour lancer un vaste débat public sur la question. Donc s'il approuve la démarche et qu'il veut lancer un vaste débat public, c'est qu'il met ses chiffres à notre disposition, bien sûr. Voilà pour l'instant. Donc on a trois communes pour l'instant qui nous ont retourné la délibération, qui ont pris une délibération, qui ont pris une motion. Une motion, c'est juste un vœu. Voilà. Ils adoptent le label. Ça a du mal à remonter les informations. Des fois, c'est des collectifs locaux qui le font et qui ne sont pas informés, ou ils sont informés, mais ils n'informent pas le collectif national. Mais voilà, cette démarche-là existe. Je pense que dans le Puy-de-Dôme, ça a été lancé. Le courrier a été envoyé. Les 400 voilà. Donc, vous, dans vos communes, vous allez dire, vous avez reçu un projet de délibération, prenez-la, adoptez-la. Pas adoptez-la comme on adopte un animal, mais... votez cette délibération. Il y a une commune qui a déjà... Donc il nous faut les infos, il faut nous renvoyer le truc, il faut qu'on fasse une carte de France avec tout ça et qu'on voit l'ampleur du mécanisme. Mais voilà, on peut agir au niveau local. Bien souvent, la question c'était ça, c'était, nous on est là, dans notre petit bled, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire. On peut faire parler. Si les délibérations sont prises, c'est que le conseil municipal en a parlé. Si dans les 36 000 communes de France, on parle de cette notion d'audit, de ces prêts toxiques, on a fait avancer ce combat-là. Donc il faut le faire avancer. Et la délibération, elle ne règle pas tout. Ce n'est pas parce qu'on prend la délibération que le problème est réglé. Mais si on a du monde derrière nous, et si on fait parler dans toutes les communes, on a déjà fait un pas. Voilà. Après, il faudra l'avancer en obtenant l'annulation, en obtenant que ce soit les banques qui payent le surcoût. Et puis au niveau national, on verra bien. Mais à mon avis, moi, si ce n'est pas 100% d'annulation et d'illégitimité de la dette, ce devrait être 95%, ou en tout cas, on ne sera pas loin des 100%, parce que cette dette, elle est très largement illégitime. Voilà, je vous remercie.